La cave, épisode 25. Stud the old Chibai. Bonjour tout le monde, bienvenue à la cave, le balado qui regarde dans le passé pour mieux aller de l'avant. Mon nom est Dominique Carrier. Et je suis Jake Dion. Et pour ce mois-ci, nous sommes enfin rendus au numéro 25. Oh, je savais même pas, man. Une chose que tu gardes track de ça, j'avais aucune idée qu'on était... Pensais-tu qu'on allait se rendre là un jour? Je pensais qu'on allait se rendre là, honnêtement, genre... la première année et demie. Pas dans ces circonstances-là, dans ce délai-là. Ouais. Mais c'est ça. Là, ça fait quoi? J'ai l'impression que ça fait 8 ans qu'on fait ça. Ça fait longtemps. Le temps n'existe plus. Là. Ouais, c'est ça. Ça doit faire 6-7 ans, puis 25 épisodes. C'est comme ça qu'on aime ça. Yes, pas de pression. No fucking pressure. Ouais, il y a des gens qui mettent une pause, qui arrêtent, puis qui reviennent, puis c'est bien correct, là. Ben oui. Le but, c'est de continuer, là. Exactement. Moi, c'est ça que je trouve drôle, c'est que ce que les gens, peut-être, ils s'imaginent, tu sais, c'est qu'on s'est starté un podcast, comme plein de monde s'est starté un podcast parce qu'ils sont, tu sais, sur la... Parce que c'est faisable. C'est le coup du moment, puis analyser tous les épisodes de Game of Thrones, puis là, ça va durer 3 ans, puis là, on va être hot sur Spotify, puis tout. Puis là, finalement, après 3 épisodes, ils se rendent compte que c'est de la job, c'est de l'horreur, puis tout. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui pensent ça de la cave, mais non. Après 6-7 ans, on est encore là. C'est juste que on a un beat très relax. Ben, nos vies ont changé. Nos vies ont changé. Puis, je pense même... Il me semble que j'ai réécouté des vieux, puis il me semble même ma voix a changé. Je sais pas si... Ouais. En tout cas. Ça se peut, oui, oui. On se désagrège numériquement, là. Ben oui. C'est... Mais qu'est-ce qui a changé d'autre dans ta vie, mettons, depuis le début? Oui. Beaucoup de choses. Toi, as-tu une idée du quelques exemples de bons comebacks d'artistes ou de choses qui sont allées, comme un temps d'arrêt puis revenu sans à grande surprise? Ben, c'est très drôle que tu parles de ça, parce que je pense que Rob Schraub est un bon exemple de ça. Oui. Maintenant, parce que lui, il était full big dans les années 90, puis là, ça a complètement arrêté, puis c'est en 2010 qu'a fini la série, fait que c'est comme 20 ans plus tard. Mm-hmm. Il marque quelque part là, dans le gros trade, là, t'sais, je me demande si c'est pas 25 ans, mais t'sais, ça doit, je pense que c'est 20 ans. Ça, c'est un bon comeback, ça. Ça, c'est malade en crise. Mm-hmm. Toi, t'as-tu un exemple qui te vient en tête, Dorine? Ben, je pense au groupe Godspeed. Ouais. Qui ont eu un long temps d'arrêt, qui avait pas dit c'est terminé, mais juste on est en pause, puis plein, la vie continue, puis tous les autres projets, puis on sont revenus, puis on fait du nouveau stock, puis ça c'est bien, là. C'était excellent, c'était pas genre... Non. Moins bon qu'avant, ou etc. Non, puis même tout récemment, Genghis Tron, qu'on a déjà vu ensemble, qui était comme en pause sur le culminateur, qui reviennent bientôt. Ok, shit. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. C'est très satisfaisant quand ça arrive. Ouais. Puis j'imagine, d'un point de vue artistique, d'un point de vue personnel, tu veux compléter ton œuvre, si t'as quelque chose en suspens pour pas le laisser, puis une certaine satisfaction à avoir de terminer ce que t'as mis sur la glace, là. Mm. Ah, puis ça fait chier parce que c'est une vraiment bonne question, puis je suis sûr qu'après l'épisode, je vais avoir plein de flashs de genre « Ah, ça m'a l'air, oui. ça m'a l'air. » Mais j'adore cette question-là parce que qui n'aime pas une bonne histoire de bon vieux comeback? Ouais, ouais. Partagez vos comebacks favoris en commentaire. Puis là, je dois faire un petit... La dernière fois, on a demandé aux gens de commenter, de nous écrire, puis écoute, les gens... l'ont pas fait. On espère qu'ils nous écoutent, mais ça leur tente pas, tu sais. Vous pouvez même nous écrire pour dire que ça ne tente pas de vous écrire, là. Ouais, c'est bizarre, parce qu'on les connaît, on sait qu'il y a genre 2-3 personnes qui nous écoutent, au moins. Ouais, un peu plus, mais... Tu sais, allez-y, là, Chris, voyons donc, qu'est-ce que ça? Là, genre, avant de continuer l'épisode, dites-vous pas, genre, ah, m'écrire après l'épisode. Non, genre, écrivez là, puis revenez après. Écrivez pour dire, je suis en train de l'écouter, là. Mais suite à ça, j'ai eu un petit coup de tête, puis j'ai dit, OK, bon, je vais aller stimuler les troupes, puis j'ai juste mis une photo demandant l'avis de nos fans sur quel nouveau vieux jeu je devrais faire. Tout ça, c'était des jeux que je possède, mais que je connais, mais que j'ai jamais fait. Fait qu'il y avait du PlayStation 2 et 3 original. Puis là, il y a eu comme un engouement, puis tout le monde a dit « Ah, fais Dino Crisis, fais Silent Hill, fais Catherine, fais... » C'est tout des bons titres, mais ça a été plus stimulant que juste cet appel-là de « Ah, écrivez-nous, là. » Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut poser des questions au monde. Ou des faut images. Pas juste dire écrivez-nous parce qu'ils vont faire qu'est-ce que je te dise. écrivez-nous puis on va vous poser une question plus tard. T'as-tu joué à Dino Crisis vraiment? Non. En fait, c'est parce que je venais de finir Guacamelee, qui est un jeu au PS3 qui est paru en 2013, je crois. Il y avait une vente il y a quelques semaines sur le magasin PlayStation qui vendait à rabais la version remasterisée sur PS4. Mm-hmm. Puis j'ai fait « Ah, mais je l'ai déjà acheté sur PS3, puis je l'ai jamais fait. » Fait que finalement, je suis retourné, puis j'ai fait l'original. Puis ça a été une bonne, belle surprise. C'est un Metroidvania dans les règles de l'art, donc tu fais des niveaux, t'acquiers des nouvelles habiletés, tu retournes au niveau que t'as déjà fait, tu vas explorer d'autres endroits que tu pouvais pas avec tes nouvelles habiletés, puis tout ça est dans un enrobage comme latino, t'es un luchador, y a beaucoup d'âme, y a beaucoup d'humour, puis c'est une très très bonne recommandation. Fait que j'ai pas touché aux deux encore, mais c'est vraiment chouette là. Moi, ce qui est drôle, c'est que j'aime l'univers des luchadors, j'aime les Metroidvania, puis ce jeu-là, je sais pas pourquoi, j'ai peut-être pas assez donné une chance, ou c'est peut-être aussi... T'avais essayé de jouer? Ouais, je l'avais eu dans le temps, là. C'est pour ça m'a surpris quand tu me l'as recommandé, parce que je l'avais essayé dans le temps, puis je pense qu'il était gratuit avec le PlayStation Network, PlayStation Plus, en fait. Puis c'est parfois c'est psychologique là, mais c'est quand le jeu est gratuit, tu t'investis moins dedans, tu sais, dans le sens que si tu meurs 2-3 fois, tu fais comme tandis qu'un jeu que t'as payé 80$, même pas si investi, tu meurs 2... là, c'est ça. Ben c'est ça, exact. Fait qu'il y a peut-être de ça, mais ça m'avait surpris que t'aies aimé ça parce que justement c'était très coloré, mais je sentais que c'était un peu babel comme. Comme esthétique. Fait que je suis content de voir que dans le fond, si j'étais dans le champ. Fait que j'imagine que t'as pas donné assez de temps, t'étais pas rendu très loin pour avoir ce jugement-là. Mais ouais, ça m'a vraiment surpris que t'aimes ce jeu-là, mais en même temps, c'est ça, je me suis rendu compte que j'ai peut-être pas donné une chance parce que dans toutes les reviews, il est super bien coté, il paraît que c'est. Créatif, c'est original. Ça n'a pas cliqué avec toi. Là. Peut-être que c'est juste que j'ai pas assez donné une chance. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un mode deux joueurs que si mettons tu games puis ton coloc, ta blonde, n'importe qui est là, veut juste jouer un instant, fait que peut embarquer puis peut débarquer quand il veut. Puis t'aide à faire une partie des niveaux, à battre des méchants, puis il y a comme d'interaction de ce côté-là qui est très bien. Il y a aussi c'est très cool, ça. Oui, il y a aussi les graphismes que je pense que c'est en vecteur. Fait que des fois, c'est comme super petit, des fois, c'est super éloigné, mais ça perd aucunement de sa qualité. Puis c'est très bien réussi. En fait, c'est un jeu canadien, c'est un studio ontarien Ok. Ça. Ouais. Ok, j'aurais jamais pu deviner ça. Ouais. Fait que j'ai très hâte de faire le 2. Toi, t'as-tu joué à Hyper Light Drifter? Je l'ai acheté, j'ai pas encore commencé. Okay. Mais je sais que c'est un autre gros, gros titre dans la pile. Puis là, la question qui me brûle sur le bout des lèvres du cigare aux lèvres, c'est... je sais que depuis que je te connais, ben pas depuis que je te connais, mais depuis un certain moment, t'es tout le temps genre deux générations en arrière, puis je pense que tu vis très bien ça, puis t'es correct là-dedans. Puis là, tu t'es au niveau console et jeu, mais là, tu t'es rattrapé très vite dernièrement, là, tu sais. Moi, je pensais que t'allais jouer à toute la collection de jeux de Play 3 avant d'avoir un Play 4, puis là, t'es rendu sur Play 4. Oui, non, mais je saute d'un à l'autre, là, mais c'est certain que je vais pas m'acheter un Play 5 quand il va sortir, là. Ouais, mais ma question, c'est, est-ce que maintenant que t'as joué à Last of Us, puis c'est frais dans ta tête, est-ce que t'es intrigué ou t'as-tu envie de jouer aux deux? J'ai envie, mais je me lancerai pas dans la prochaine semaine quand il va sortir, là. OK. Est-ce que c'est purement raison budgétaire ou c'est... Non, mais je le laisse passer. J'ai pas lire aucune des critiques qui en dit trop. C'est certain que je vais le faire, mais un peu plus tard, là. Je vais me le réserver pour que ce soit plus frais puis que j'ai un temps d'arrêt pour y penser. OK. Parce que moi, c'est toi, à l'inverse, tu vas te garocher dessus? Non, ben là, c'est ça. C'est que je peux pas, là. Mm-hmm. Parce que moi, ça fait depuis le temps des fêtes. Tu sais, moi, normalement, là, je suis un gamer genre saisonnier. C'est-à-dire que je game genre 2-3 mois, puis après ça, j'arrête pendant 9 mois, puis là, je recommence 2-3 mois. Mm-hmm. Mais là, je te dirais, depuis le temps des fêtes, je pourrais me considérer comme un gamer hardcore. Attends, là. C'est-à-dire que je fais juste jouer à des hosties de gros jeux, puis tu sais, j'en passe minimum un par mois. Fait que, tu sais, la liste, là, est longue, pis, tu sais, je pense, depuis le dernier épisode, j'ai passé 3 jeux, là. Tu sais, 3 jeux de 40 heures, là. Pis ça fait peut-être 2 mois, là, qu'on a fait notre dernier épisode. Fait que, tu sais, c'est un peu intense. On est régulier, là. Ouais. Mais c'est un peu intense pour moi, dans le sens que, c'est violent pour le portefeuille. C'est pas comme... ça coûte plus cher que de lire des comic books là, puis des BD. Ouais, mais j'imagine que tu vas faire les gros titres, les grosses nouveautés, les grosses productions. C'est ça, en plus. C'est ça. Ben, tu sais, j'ai essayé d'être raisonnable quand même, sauf pour Better Final Fantasy VII Remake. Là, ça, je l'avais pas joué hein, la dernière fois qu'on en a parlé, qu'on a fait la cave. Tu refaisais l'original remake avec les cheats. Les petites fonctionnalités qui te permettaient d'avancer plus vite, là, ouais. Ouais. Mais tu sais, anyway, je n'ai full parlé au Mysterious d'Otana, fait que c'est je pense que tout le monde sait ce que j'en pense. Mais après ça, c'est ça, j'ai embarqué dans GTA, ça je l'ai pas fini, mais je suis rendu à la fin. Puis j'imagine qu'il y a une pléthore de choses à faire dans cet univers-là. Dans Final ou dans GTA? Dans GTA. Oh, ouais, c'est fou dans la tête, là. C'est fou dans la tête. Puis tu sais, c'est le GTA V. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est un jeu de PlayStation 3. Fait que il est magnifique, il est incroyable. Puis ça, je pense que je l'ai raconté au Mystérieux, mais je vais leur dire pareil. C'est que tu sais, je joue à ça, puis là, tu te promènes en LA, puis tu vois, tu sais, comme toute l'écriture est brillante, puis tu sais, c'est vraiment un excellent jeu. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, ça me tenterait, tu sais, je checkais les buildings, ça serait, tu soignes entre les buildings. Puis là, j'ai fait, Chris, je vais rejouer à Spider-Man. Puis Spider-Man, c'est un jeu de PlayStation 4. Puis, holy shit, man, tu sais, c'est comme, j'avais oublié l'écart qu'il y avait entre ces deux générations-là, tu sais. Puis GTA, qui est quand même un jeu avancé, Play 3, là, tu sais, c'est la fin de la console, puis il y a... La version que j'ai, c'est le remastered pour Play 4. Fait que, tu sais, ils ont même poli les textures et tout. Puis, man, c'était crissement impressionnant, là, de voir juste la différence dans la lumière, dans les détails, dans les expressions faciales, dans les... t'sais, les vêtements, comment ils tombent sur la peau, pis tout ça, fait que... Là, après ça, je check Last of Us, pis j'ai le même feeling par rapport à Spider-Man. T'sais, c'est comme, shit, on dirait que c'est une autre génération plus loin. Ouais, tu parles d'avancée graphique avant tout, là. Ah, mais aussi, fluidité... t'sais, parce que c'est... j'ai là, je m'enfarge un peu, là, parce que je parle de plein d'affaires en même temps, mais... J'ai aussi redownloadé Last of Us pour le rejouer pour le 2 qui s'en vient. Puis quand je l'ai starté, là, t'sais, évidemment, la première cutscene, l'intro de jeu, là, c'est incroyable, là, c'est super immersif pis tout. Mais après ça, quand vraiment la mécanique du gameplay embarque, j'étais comme « Oh shit, c'est une autre génération. » Il y a des affaires qui se sont raffinées avec le temps. Que à l'époque, c'était, tu sais, comme juste exemple, pour courir, faut que tu pèses sur L1. C'est super weird, ça, parce que c'est maintenant un standard de juste appuyer sur L3, tu sais. Fait que c'est ta direction. Ben oui, c'est un standard de n'importe quel jeu de PlayStation 4. Ben, c'est, moi, je trouve que c'est 100 fois mieux, là, puis c'est plus logique, puis c'est plus immersif. Puis ouais, ça, j'aime moins ça, les jeux. Ouais, mais ça, c'est parce que. Je sais pas pourquoi t'aimes moins ça, là. Mais t'sais, comme toutes les jeux de course ou les jeux, même GTA V, que t'as des véhicules, que la convention du gaz puis du brake, du X puis du carré a changé pour les L2 ou R2. Ça, je trouve ça vraiment poche. Puis au pire, offrez la possibilité de changer, nous-mêmes les contrôles, mais il y a plus de jeux qui te l'imposent maintenant, là. Ouais, ben je sais pas si imposer c'est le bon mot, tu sais, dans le sens, je peux comprendre sur l'exemple que tu viens de donner, mais tu sais, pour courir plus vite, on s'entend que c'est le piton pour te diriger. Donc, pour te diriger plus rapidement, pèse sur ce piton-là. C'est juste logique, on dirait, contrairement à X rond... L1 R1 pour un véhicule, c'est juste que quand tu joues comme ça, tu fais comme, pourquoi est-ce que tous les autres jeux sont pas comme ça, tu sais. Ça revient à si le double jump, c'était un autre piton que le jump, c'est comme... Mais tu sais, c'est con, mais ça m'a comme un peu bloqué au début, puis finalement, j'ai continué à jouer un peu, mais là, j'avais besoin d'espace sur mon play. C'est ça qui fait chier, man, de t'acheter des jeux digital, là. Des gros jeux, là, tu sais, des indie games, tu peux en avoir un paquet, mais des gros jeux, c'est comme, faut que tu choisisses auquel tu veux jouer comme en avance, parce que tu peux pas juste comme prendre le CD puis le changer, là. Mais bon, écoute, il est... C'était-tu mieux dans le temps? Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, bref, Last of Us 2, je veux quand même le passer. Je veux quand même rejouer au premier avant d'acheter le 2. De un, je me dis, pour y jouer, il va falloir que je fasse de l'espace. Fait que pour faire de l'espace, il va falloir jouer à d'autres jeux. Puis, quand je vais l'avoir fini, ben peut-être que Last of Us 2 va avoir descendu de prix dans 6 mois, on sait pas. Fait que c'est ça ma stratégie, parce que oui, c'est ça, le portefeuille, c'est un peu violent, même, gamer des gros jeux de même. Ouais. Fait que c'est ça. Sinon, moi, dans ma vie, man, pour vrai, j'ai lu un peu, mais j'ai beaucoup joué, puis... Ouais, moi aussi. J'ai l'impression qu'avec le confinement, c'est ça, je pense qu'on en avait parlé un peu la dernière fois, mon cerveau s'atrophie, là. Je le sens que je suis moins sharp, je suis moins vite, parce qu'on est dans un... Tu sais, même juste en discussion, on est dans un autre état, un état qui est plus comme passif, on dirait. C'est moins régulier, c'est moins ce qu'on connaissait avant, là. Ouais, mais j'ai vu quelques amis dans la cour derrière chez nous, puis pour vrai, man, c'est super weird au début à cause de évidemment de la distanciation, mais après, je te dirais 15 minutes, aussitôt qu'on s'installe dans une discussion, là, ça fait grandement du bien. C'est pour moi, là, c'était un baume à l'âme. Toi aussi, je pense que t'as vu une couple de personnes. Oui, moi aussi, j'ai une cour, puis on a ce privilège-là de pouvoir recevoir des gens sans lag, sans distorsion et contact humain à distance. Ouais. Donc, tu fais du bien. C'est attends, Chris. Ouais. Mais c'est hâte de continuer à faire ça à distance quand même avec toi. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis même, je pense que si on avait le droit de se voir, tu sais, par moment, ça nous arrangerait de le faire chacun chez soi de même. Mmh. Fait que, dans le fond, c'est bien cool. Là. Fait que, sinon, toi, tu disais que t'as pas mal juste gamé, là. Rappelle-moi, à quoi t'as joué à part Guacamele, Nacho Libre? Fuck. Ben, c'est ça. Quand j'avais fini Guacamele, là, j'ai mis l'image sur le Facebook et tout le monde s'est enflammé. Ouais. Et finalement, je suis allé avec la recommandation de Jean-Michel Bertillon. J'ai fait Tactics Ogre. Oh, shit! Qui est, OK. En arrière de la boîte, on voit que ils disent que c'est plus de 100 heures de gameplay avec 8 fins possibles différentes. je pense pas que je me suis rendu là, mais je l'ai terminé, puis c'est un premier. Ah. Puis ça, c'est le remake de l'original, c'est ça? Non, c'est la suite. Le premier était au Super NES. Le deuxième, celui-là, Tactics Ogre, est sorti au Super NES, mais juste au Japon. Super Famicom, puis au PlayStation. C'est quand même un jeu rare. Puis, juste pour donner une indication aux gens, c'est vraiment du tactique, comme Final Fantasy Tactics. Fait que c'est comme des combats d'échecs avec Donjon Dragon un peu. Fait que t'as ta troupe de gens, tu vas avoir des mages, des magiciens, des guerriers, des archers, puis tu montes tes niveaux, puis c'est ça, c'est très long, mais c'est pas fastidieux, puis c'est un investissement. Fait que j'ai beaucoup pris le temps de monter mes personnages, bien m'équiper pour faire la quête là. Mais moi c'est dommage parce que j'avais Tactics Ogre, mais là en fait je pense que je me trompe là. J'avais un, je pense que c'est le remake de celui sur le PlayStation, mais c'était sur PSP. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement la version remasterisée de celui que j'ai fait. Ah, OK. Je me trompe pas que les graphiques étaient refaits et... Un peu mieux, oui. Ah, OK, OK. Oui, oui. Bon, ben, moi, c'est ça que j'ai joué, puis j'avais joué avant à Final Tactics. Mm-hmm. Encore une fois sur PSP, que j'ai capoté, j'ai vraiment trippé là-dessus, c'est mon genre de jeu. Mais... Comment tu trouves ça, toi? C'est quoi ton feel? Parce que c'est tellement différent d'un JRPG traditionnel. Ouais, ben c'est ça, comme je dis, c'est beaucoup centré sur les combats, puis comment tu diriges tes troupes. Mais moi j'aime beaucoup ce type de jeu-là. Avant Final Fantasy Tactics, au PlayStation, il y avait Vandal Hearts, qui est un autre très bon. Que j'ai refait il y a quelques années, qui est vraiment bien. Celui-là remonte avant ces deux-là. Puis il y a quelques différences, mais c'est essentiellement la même mécanique de jeu. Une des différences, c'est que dans le combat, si tu perds un de tes joueurs, normalement, tu termines le combat, puis après ça, il est encore là pour les prochains autres. Dans Tactics Ogre, si t'as un membre de ton équipe qui meurt, c'est fini, le personnage, il est plus là. Ouais. Mais est-ce que je me trompe, dans Final Tactics, c'était comme ça aussi? Non, je pense qu'il fallait juste disparaître du combat. Ah, ouais. Là. Ouais. OK. Ouais. Ouais, ça se peut. Mais ouais, ça amène un adrénaline puis un challenge de plus. Puis tu sais, faut rappeler, mettons, aux gens qui connaissent pas ça, mais tu sais, un JRPG, tu vas avoir beaucoup de combats, mais ils vont être très rapides, tu sais. Mm-hmm. Ça va arriver dans un JRPG que tu vas avoir un combat de 20 minutes, un boss, quelque chose. Mm-hmm. Mais dans Tactics Ogre ou même Final Tactics, les combats peuvent être entre 25 et 45 minutes. Là. C'est ça, parce que c'est du 8 contre 8 ou 8 contre 5, tandis que dans les RPG traditionnels, t'as comme ton équipe contre un ou deux, trois ennemis, mais c'est ça. Là. L'autre différence, c'est que tu peux sauvegarder durant le combat. Fait que, mettons, juste pour être sûr, tu fais un mauvais move, ben tu peux recharger ta partie. Ça, c'est très, très cool. Ouais, fait que ça balance un peu l'aspect de perdre les personnages à jamais. Là. Mm. Ouais. Ouais, exact. Très hot, ça. Mm. Puis toi, t'es-tu comme moi, genre que... T'sais, parce qu'en plus, ces jeux-là, c'est très lore-based. Il y a beaucoup d'histoires, puis il y a beaucoup de trucs. Puis, c'est ça, avec les 8 fins possibles différentes. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais... souvent, tu sais, c'est très aussi, je me rappelle de Final Tactics qui était très politique, puis à un moment donné, honnêtement, tu sais, les territoires et tout, là. Les combats sont tellement longs que par moment, je me perdais un peu là-dedans, là, je savais plus trop qu'est-ce qui se passait. Sauf que, je sais pas si t'es comme moi, mais tu sais, comme moi, chaque personnage, j'y donnais vraiment sa personnalité, puis je décidais de l'upgrader d'une certaine manière, puis il y avait comme une histoire propre dans ma tête, là. T'es-tu comme ça aussi, ou c'est juste comme des stats, puis genre, c'est un pion qui va faire ça? Un peu. Je leur laisse le nom original, quand même. Là. OK. Je les renomme pas comme grosse facelette. Ouais. Doudoune. Ouais. OK. Ben, c'est bon à savoir. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est un jeu rare, mais la version mobile PSP, PS Vita est disponible sur le magasin PlayStation. OK. Ouais. Puis, je sais que aussi t'as posté sur Instagram que t'as joué à d'autres choses. Oui, en ce moment, je suis très investi dans le Injustice 2, le jeu de combat de l'univers de DC. Je m'étais acheté Mortal Kombat XL puis Injustice 2 quand je me suis acheté le Play 4 avant Noël. Puis là, je viens d'embarquer dedans. Fait que je suis à fond dedans. Fait que c'est ça, tu parlais de graphisme avancé tout à l'heure. Puis c'est un très bon exemple. Puis c'est assez assez poussé. Même le tutoriel, il est comme en 8 volets, puis il est super profond, puis ça met vraiment les bases de, je sais pas, les gens qui connaissent les tournois Evo, tout ça, puis tous les termes de throw, punish, puis counter, puis tout ça, fait que ça démocratise ça un peu, fait que c'est très bien, mais c'est un jeu assez riche et très qui peut paraître intimidant, mais c'est ça, je pense qu'il misait vraiment plus sur la vitesse que Mortal Kombat, mais c'est très très bien. Puis parce que, à la base, c'est juste des personnages de DC, puis là, ils ont rajouté des persos, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai la version Legendary avec tous les contenus additionnels, finalement. Là. Donc, puis Hellboy, puis il y a les Turtles. Mm-hmm. Puis, les quatre ou juste Leonardo? Les quatre, mais ça, c'est un peu poche parce que tout le jeu est super poli, mais c'est pas intuitif pour pouvoir sélectionner les quatre, mais faut comme peut-être choisir chaque arme puis ensuite les sauvegarder, mais c'est faisable. Ah, ok. C'est ça. Les quatre apparaissent pas sur la map, c'est genre... Non, c'est ça, t'en choisis. Ton setting de ce personnage-là qui va décider le quatre. C'est ça, parce que pour chaque personnage, tu peux acquérir différents items qui bonifient tes habilités, puis c'est ça, c'est des animations. Excuse, vas-y. Non, c'est ça, il y a comme un espèce d'aspect jeu de rôle que tu peux monter tes stats d'habilité, de force, de défense et tout dans un certain monde. C'est qui ton Ninja Turtle préféré, Do? Je pense dans le temps c'était Donatello. Puis peut-être plus vieux, je dirais peut-être Raphaël. On est pareil. Ben, c'est lui qui... On est pareil. Ah non, mais toi t'es bien plus sociable que... Pour comprendre Raph qui se fait tout le temps kicker out. Ben, c'est ça qui est drôle, hein. C'est ça, il y a une discussion philosophique à avoir. Ou tu le vois pas de la même façon, là. Ben, c'est que, non, c'est pas vraiment ça, c'est que on change de personnalité dépendamment de notre environnement puis de notre entourage. Puis notre âge. Nos expériences. Évidemment, notre âge, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, moi, je suis tout seul avec toi, puis G. Mm-hmm. Je vais être une autre personne que si je suis tout seul avec, mettons, ma blonde, puis mon coloc. C'est pas dans le sens... c'est pas dans le sens que, genre, je vais changer de personnalité, mais c'est que notre interaction ensemble fait refléter d'autres traits de personnalité de chacun. Puis, tu sais, je me rappelle que je me sentais tout le temps comme Michelangelo, hein, dans la vie. Là, j'étais tout le temps le petit con qui fait des jokes quand c'est pas le moment, puis qui comprend pas tout, puis qu'il faut tout y expliquer par après. Puis là, dans un contexte de groupe. Puis là, je sais pas, j'espère tellement pas qu'il va le prendre mal, parce qu'il y a aucune méchanceté, puis c'est juste de l'amour. Là. Mais par contre, plus tard, quand on était dans un groupe, genre Gauthier, OK, mettons, je vais dire pour la gang de la BD, là. Toi, Oli, Gauthier, puis moi. Moi, je me sens comme Michelangelo, tu sais. Puis là, après ça, je vais être, mettons, avec Oli, Gauthier et Julien Paris-Sorel. Là, tout d'un coup, je suis Raphaël. Tout d'un coup, c'est pour moi le petit énervé parce que Julien prend cette place-là. Tu comprends? Puis ça fit, puis je l'aime comme un frère. Puis tu sais, je veux dire, c'est rien contre Julien. Mais c'est son énergie à faire sortir le côté plus grincheux en moi, puis qui est plus comme allez-y, là, faut dessiner devant des enfants. Moi, je vais boire dans la ruelle en attendant. Tandis que si je suis avec Oli, c'est clairement lui, Raphaël, puis c'est moi qui est comme ben non, ça va être le fun, let's go! Venez-vous-en tout le monde! Fait que c'est pour ça que je trouve, avec l'âge, avant, je comprenais plus Donatello, qui est, je pense, le plus tempéré de la gang. C'est celui qui veut que tout le monde soit chill, tu sais. Ouais, puis le côté scientifique, puis... Qui était intellectuel, tu sais. Puis, avec le temps, c'est vraiment devenu Raphaël, parce que je pense que je le comprends plus. Je suis comme, ah ouais, I feel you, bro. Mais, dis-moi donc les autres personnages qu'il y a dans Injustice, à part les personnages de DC, là. Y a Hellboy. Oui, ça c'est mon boy en Chris, ça. Ouais. Mais c'est ça, le reste, je pense, c'est juste des... C'est quand il y a pas de Marvel, là, c'est juste DC, là. Y a Atom, que je connaissais pas, qui est comme un genre de handman qui peut se mettre plus petit ou plus gros. Starfire, Darkseid, ils ont juste élargi l'univers. Je pense que Hellboy et puis Turtle. Puis t'as deux personnages de Mortal Kombat. Sub-Zero et Raiden. OK. Ouais. OK. Fait que c'est pas si débile. C'est parce qu'à un moment donné, on se mêle, tu sais, genre Soul Calibur, à un moment donné, il y avait Spawn. Puis là, chez Mortal Kombat, il y avait Robocop. Mm-hmm. Puis je suis comme... Guys, mettez-vous tout ensemble, là. Faites le Ultimate. Marvel versus Capcom versus Mortal Kombat versus SNK versus Give it all! On est rendu là, là. Ouais. C'est similaire à Mortal Kombat, mais il y a quand même assez de différence pour les distinguer, là. C'est deux très bons jeux. Mais après ça, j'ai deux questions parce que je trouve ça hilarant, moi, tu sais, que des adultes ont la conversation de qui gagnerait entre Hulk et Son Goku. Puis tu sais, je trouve ça hilarant parce que je suis comme, c'est tellement une conversation de petits gars, puis après ça, tu te dis... Ben, c'est au cinéma, là. Quand ben oui. Quand Godzilla, puis... Oui, t'as raison, c'est vrai. Puis c'est vrai que c'est le fun. Puis tu sais, je dis pas ça d'une manière péjorative. Mm-hmm. Mais c'est juste que, tu sais, je pense en tant que, mettons, que scénariste, je peux pas faire juste des stats pis faire qui va gagner. Tu sais, je sais qu'il y a un channel YouTube qui font ça, tu sais, genre Deadpool contre le Prédateur, qui gagnerait, pis ils checkent les stats de tout pis ils font une logique avec ça. Mais tu sais, dans ma tête, il y a un contexte, tu sais. Pis je pense que Hulk et Sangoku, ils s'entendraient super bien, tu sais, pis ils se battraient, mais ils s'avéreraient en concours de mangeage de hot dog ou je sais pas quoi, là. Pis... Ce qui me fait rire, pis c'est là ma première question, c'est que normalement, je dis, à chaque fois qu'on me pose des questions de même, je pense au contexte, pis c'est ça que je trouve intéressant. Mais dans le cadre d'un jeu vidéo, il y a plus de contexte. Fait que c'est vraiment genre qui gagne, Raphaël ou Batman. Pis là, je fais juste imaginer, tu sais. Michelangelo qui pète la gueule à Superman, puis tu sais, je peux pas m'empêcher de trouver ça drôle. Fait que ma question est, est-ce qu'il y a un contexte? Est-ce que c'est expliqué comment ils peuvent rivaliser un avec l'autre? Non, je pense que tous les personnages additionnels ont été ajoutés après la première itération du jeu. Donc, ils sont pas dans le mode histoire ou que, toutes les la cinématique et tout. Mais ça renchérit, pis c'est le fun, pis c'est ça. Mais je veux dire, y a aucun contexte donné, genre, tu sais, même dans l'univers de DC, là. Non, la seule interaction, c'est qu'au début de chaque combat, les deux opposants arrivent, pis un petit peu de les deux s'envoient des petites phrases, des petites lignes. Je pense que ton pouvoir, tu l'as utilisé pour le mal. Ah, mais attends de voir le mien, pis. La contextualisation. Ouais. Là, faut que... Parce que j'avais le souvenir, parce que j'avais joué au démo du premier. Celui que tu es en train de jouer, c'est comme la troisième version de jeu. Le deuxième. Oui, oui. Puis toi, t'avais pas joué. Cliqué, mais toi, t'es moins jeu de combat moderne, je crois. Là. Ah, depuis... ben, t'sais... Parce que tu jouais avec des gens, là, physiques. Ouais, mais je pense que ce que je trouve intéressant, c'est que ça, on a déjà eu une grosse discussion, toi et moi, là-dessus, à l'époque, sur comment que je trouvais ça hot quand que le Street Fighter 4 est sorti. Ouais. Mais il y avait une partie de moi qui était comme, est-ce que c'est cyclique, comme, c'est le seul style de jeu que le range il est fucking étroit, tu sais. Fait que tu vas avoir des variantes, mais c'est tout le temps la même chose. Puis moi, je demandais qu'on fasse un jeu de fight qui aille ailleurs, tu sais. Mm-hmm. Puis on avait parlé de Bushido Blade, je me rappelle, dans cette discussion-là, faire comme quelque chose qui va vraiment, tu sais, ailleurs, qui est pas du multiplayer, de genre deux personnes d'une map qui shoot dessus, là, tu sais. C'est vraiment un jeu de combat, mais tu sais, je me rappelle que je jouais full à Devil May Cry, je jouais full à Ninja Gaiden, puis j'étais comme, ça serait hot, un jeu de fight qui, tu sais, qu'on puisse promener dans l'environnement, mais qu'on puisse cacher ou que whatever. Mm-hmm. Puis ensuite est sorti Naruto. Puis les jeux de combat de Naruto, ils sont extraordinaires. Ils sont vraiment... C'est la définition même de « easy to learn, hard to master ». C'est super simple, mais il y a une profondeur là-dedans. Puis tu sais, moi, je suis pas un fan de Smash Bros, mais je me suis fait comparer souvent les deux dans le sens de la technicalité ultra simple, mais qui a beaucoup de profondeur. Puis moi, je pense que la seule affaire qui m'empêche aujourd'hui d'embarquer dans ces jeux-là, c'est que, tu sais, on a tellement joué à Tekken ensemble que là, tu sais, tu me donnes Tekken 5 ou Tekken 3, un jeu que je connais, puis je peux même plus jouer, tu sais. Genre, je pourrais faire quelques moves, puis tu sais, oui, il y a des trucs qui m'en reviendraient, mais j'aurais pas un fun, genre, intuitif, t'as « Ah, on se fait une petite game de Tekken », tu sais, pour moi, ce serait plus frustrant que genre, « Ah, fuck, je me rappelle plus de rien », tu sais. Fait que je pense délaissé, c'est ça. Pis c'est moins régulier maintenant. Là. C'est ça. Mais je pense que c'est ça qui m'arrête un peu à embarquer dans ces jeux-là. Puis peut-être Injustice, quand j'avais joué, tu sais, on avait joué au démo, moi puis Axel. Fait que tu sais, on n'a pas eu l'intention d'apprendre le jeu. On a juste voulu passer à travers puis se taper sur la gueule. Vous étiez au même niveau, et ça, pas mal. Là. Ben les deux, on connaissait rien. C'est ça. Fait que tu sais, honnêtement, c'est un peu décevant de ce côté-là. Mais je pense que si tu t'investis, ça doit être intéressant. Mais je pense qu'il y a quand même des jeux qui ont élargi le spectre du combat, puis qui... En tout cas, bref. je voulais pas qu'on aille dans cette tangente-là. Je voulais te poser une autre question sur Injustice. J'ai complètement oublié c'était quoi. Je pense que deux personnes qui connaissent peu ou pas les jeux de combat, puis tu leur mets les manettes dans les mains pour Injustice, je pense que c'est quand même assez large là, comme niveau. Là. Si tu mets des gens de même niveau, je pense que tu peux avoir du plaisir. Là. Mais c'est certain que même moi, tu leur dis, ils peuvent me démolir en 4 secondes. Là, ça n'a pas de sens. Là. Puis est-ce que c'est un jeu de muscle memory qu'il faut que tu te rappelles de 10 millions de combos, puis que c'est-tu un jeu, genre de jeu un peu comme Tekken dans ce sens-là? Je te dirais c'est un peu plus... C'est plus poussé que Tekken. J'ai pas joué aux versions plus récentes, mais il y a une bonne balance, là. Il y a pas un nombre infini de combos, là, pour le moment. OK. Puis t'as pas, genre, 15 000 moves par personnage. Non, c'est ça. T'en as comme 4-5, puis tu peux baser sur pause tes voix, puis t'embarques. Pis... OK. Ça, c'est brillant. Parce que ça, je pense que c'était fascinant pour l'époque, pour les joueurs de Tekken, de mémoriser tout ça, mais tu sais, aujourd'hui, c'est juste chiant. Là. C'est que... tu veux jouer, puis t'es pas capable de jouer parce que tu te rappelles pas de, genre, 48 moves. OK. Ouais. Bon, ben c'était ça mes deux questions sur Injustice. Je suis content qu'on en ait parlé. Ben voilà, et je le recommande. Cool. Tu voulais-tu qu'on jase de d'autres choses? Moi, je voulais full parler de Last of Us 2, mais j'ai l'impression que toi, tu veux te tenir loin des spéculations et des spoilers. Ben là, t'es pas allé voir toutes les choses qu'il fallait pas aller voir. Non, j'ai rien vu de ça. Sauf que j'avais quand même une hypothèse, puis je me dis des fois, tu sais, même si c'est pas un spoiler, parce que je sais pas si c'est vrai ou non, pour certaines personnes, ça peut gosser de juste penser à ça. Là. Ouais. Fait qu'on on en parle pas. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, parfait. Écrivez-moi en privé si vous voulez savoir c'est quoi mon hypothèse de Last of Us 2. Même si le jeu il est sorti au reviewer, il sort, je pense qu'il est sorti là. Je pense que c'est le 19 puis on est le 16. Ah ok, il sort dans 3 jours. Mm-hmm. Mais bref, l'internet va sûrement spoiler ça. Il y a certaines affaires que je vais me spoiler intentionnellement. T'es capable de gérer puis de contrôler ton niveau de d'information que tu te fais divulguer? Ben, c'est que j'ai écouté un essai qui parlait de ça, puis je pense qu'on a déjà parlé ensemble d'où, mais c'était l'idée que ce qu'on vit quand on se fait spoiler quelque chose, la colère hein, qu'on vit, elle a aucun lien avec l'appréciation de l'œuvre. Parce que ça a été prouvé que quand t'écoutes un film pis que tu l'apprécies, même s'il y a des gros spoilers dans le film, ta deuxième écoute, tu vas encore plus l'apprécier. Mm-hmm. Exemple commun, Fight Club, tu sais. Même quand tu sais que les deux c'est le même gars, quand tu le réécoutes, tu trouves ça encore plus hot, tu trouves ça fascinant, tu sais. Donc, ça a été prouvé que le spoil, ce que ça crée, c'est que t'as l'impression de te faire voler un moment. Puis à partir de là, quand j'ai comme réfléchi à ça, j'étais comme, OK, dans le fond, je m'en crisse de me faire spoiler des affaires. C'est juste, je veux décider quand, puis je veux décider par qui. Fait que, mettons, j'ai un de mes chums qui est comme, ah, man, fou, je te parle de Twin Peaks, ou, tu sais, d'une série qu'il a full aimé, puis je suis comme, tu peux m'en parler, tu peux me spoiler, parce que c'est correct, tu sais. Je choisis de l'apprendre là. Parce que je sais que je vais l'écouter plus tard puis je vais autant aimer ça. T'sais. Tandis que si, mettons, t'es avec quelqu'un que t'aimes plus ou moins puis tu fais du small talk puis que là, tu spoil de quoi, man, que genre ça fait des mois que t'attends ou genre, tu sais, t'es au resto puis la table d'à côté, sont en train de parler du film que tu t'en vas voir dans 2 heures, ça fait chier parce que t'as l'impression de te faire voler un moment par quelque chose de cave, tu sais. On dirait que tu dis la même chose. On dirait que tu dis la même chose, mais que c'est... Si c'est quelqu'un que tu connais, c'est moins grave que quelqu'un que tu connais pas. Non, c'est pas quelqu'un que tu connais. Mon point, c'est... Si tu choisis de te faire spoiler, c'est différent que si tu choisis pas. Si tu donnes l'autorisation. Exactement. Si tu consentes, okay. Parce que le spoiler n'a rien à voir avec... Même si tu t'es fait spoiler, c'est pas vrai, genre, que tu vas faire... Hey, j'aurais vraiment aimé ça, genre, ce film-là, sauf que vu que je m'étais fait spoiler avant, j'ai trouvé que c'était de la merde. Si tu penses ça, ça veut dire que le film, tu l'as pas full aimé, là, t'sais. Pas par rapport au résultat de l'œuvre finale, mais l'effet de surprise que tu t'es fait gâcher. Ben là, oui. Ben là, ce que tu viens de dire, c'est comme une affirmation ou une question? une affirmation. Okay. J'ai-tu gâché ton moment? Tu m'as spoilé ma propre discussion. C'était ça, la fin de ma discussion. C'est pas mal. Mais non, je trouve ça juste intéressant. Tu te dis qu'il a gagné au chef cette année. Là. Oui, ça, si tu veux, tu peux me spoiler. Ça me dérange pas du tout. J'ai choisi mon moment. J'ai choisi que ce soit toi qui me spoil. Non, mais tu sais, comme j'essaie de penser à quelque chose que, genre, j'aime. Ah, merde. Tu sais, il y a une série que j'aime pis que j'ai pas fini. Puis j'en discutais avec quelqu'un pis quelqu'un a fait « Ah, mais t'as-tu vu à la fin? Sinon, je veux pas te spoiler. » Pis j'ai fait « Hey, man, je trippe cette série-là. Je vais l'écouter peu importe. Fait que tu peux spoiler pis ça m'intéresse. » Pis là, il m'a spoilé le truc pis j'ai fait « Ah, c'est intéressant, Chris. » Pis ça m'a juste donné encore plus le goût de l'écouter. Tu sais, là, je comprends que pas tout le monde est comme moi, mais moi, je suis comme capable de faire le... Ouais, pis sans que ce soit des punch ultimes, des... comme le... cinématographie de M. Night Shyamalan, que ça joue beaucoup sur des puns, j'imagine que quelqu'un peut t'en dire plus sur le film sans tout révéler, juste pour te donner plus le goût de le voir. Là. Mais Stephen King l'a mieux dit que tout le monde. Mm-hmm. Un spoiler, c'est pas une histoire. Carrie meurt à la fin. C'est tout. Mm-hmm. Carrie, elle meurt. Si c'est ça, pour ça que tu veux l'histoire, t'es, je t'ai spoilé, tu passes à côté. C'est pas à propos de Carrie qui meurt, même si c'est ça le spoiler, mais écoute le film, c'est à propos de tout ce qui se passe jusqu'à ce moment-là. T'sais. C'est un fait par rapport à une expérience. Là. Exact. Tu sais, quand même, tu te ferais spoiler toute Game of Thrones, je veux dire, si c'est juste pour ça que t'écoutes l'histoire, rendu là, je pense pas que c'est pour toi, là, t'sais. Mm-hmm. C'est fou, j'avais rien vu, moi, puis je t'avais entendu parler à fond, mais j'étais juste pas investi ou pas donné du temps là-dedans, puis ma blonde, elle avait pas mal enclenché. Puis c'est rare pour moi de faire ça, mais j'ai comme écouté la finale avec elle, puis c'était le premier épisode que j'écoutais, fait que je savais rien, puis j'ai vu la fin, puis c'est ça. The Game of Thrones? Ouais. Tabarnak! Qu'est-ce que t'as... Je suis vraiment intéressé de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Comment t'as perçu ça? T'as-tu trouvé ça cool? T'as-tu trouvé ça de la merde? T'as-tu... Ben, ça a l'air d'un monde palpitant. Ben... Non, je voulais vivre ça avec elle, pis t'sais, je sais pas si le DVD de la dernière saison est sorti, là, mais ça nous prend un quote. Ça m'a l'air d'un monde palpitant. Mais c'est ça, parce que c'est tellement étrange, pis c'est tellement... Là, j'imagine que tu savais la controverse avec la fin, t'sais. Personne n'a aimé la dernière saison, ça a divagué full des livres, ça a écrit ce que les livres sont pas rendus encore, les gens ont trouvé qu'il y avait botché la fin, parce que, tu sais, c'est tellement développé tout le reste de la série, mais la dernière saison, c'est comme trois saisons en une. T'étais-tu au courant de ça? Je savais rien de ça, là. Ah, ok. Je savais rien de ça. Fait que, il y avait des dragons. Est-ce que il y a quelque chose qui t'a accroché émotivement dans la dernière épisode? Là, on va faire des gâcheux. Ouais, on s'en fout. Là. Ouais. On spoil Game of Thrones. On spoil le dernier épisode de Game of Thrones. Skipper 15 secondes. Là. Non, c'est juste pour avoir un aperçu de l'univers que je connaissais pas, là. Mais c'est ça, mais y a-tu quelque chose qui t'a... Y a-tu un hook ou... Ouais, ou genre quelque chose que t'as fait... Hein, ça, je sais pas c'est quoi ça, mais... Ça a l'air cool, ou pas en tout. C'était plus comme t'étais témoin, pis... Ouais. Le moment pour couper votre son, c'est là, dans 15 secondes. Le dragon qui brûle le trône, non? Ouais. Ah, je trouve ça tellement intéressant, ça. Pis le pire, c'est que ça m'est arrivé dernièrement, en plus... Avec mais je ferais jamais ça de quelque chose que j'ai commencé puis j'irai tout de suite à la fin. Là. Je comprends, ben ouais, je comprends. Mm-hmm. Mais je trouve ça tellement intéressant parce que ça m'est arrivé dernièrement. Puis toi, on change avec le temps. Oui, mais c'est ça, c'est je me rappelle pas du show, mais tu sais, je suis arrivé comme au dernier épisode puis c'était quelque chose que genre. J'avais pas suivi, qui m'intéressait pas, puis ma blonde écoute ça, puis le dernier épisode, c'est super intense, puis tout est intense, puis je me suis rendu compte que ça avait comme un peu tué le buzz de ma blonde, parce qu'elle a pas le choix de sentir mon regard, qui fait comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak, tu sais. Puis, tu sais, elle était comme, non, mais c'est vraiment bon, puis là, après ça, elle m'a comme expliqué chaque truc, puis j'étais comme, ok, je comprends, mais j'imagine pour toi, hors contexte, de voir ça, c'est comme tellement de... Il y a rien qui fait du sens, puis tout est intense, puis tu sais, c'est... Je sais pas, ça devait être particulier. Ouais, j'observais, puis j'analysais, puis... Ouais. Tu veux pas que ta blonde arrive pendant que t'es en train d'écouter le dernier épisode de Eva? Ta blonde, elle arrive, puis elle s'assied à côté de toi, puis elle mange un sandwich, puis elle parle pas, là. Ouais. Elle est juste témoin, mais elle est comme, tabarnak, qu'est-ce qu'il écoute là, calice? Ça, tu le dis tout haut quand tu vas rejoindre ta blonde? Non. C'est, je garde ça pour moi, mais mm-hmm. tu sais, je le pense fort. Mm-hmm. Fait qu'elle le sent dans ma pensée. Ça sort par les narines. Ah oui, puis mes bouchées de sandwich sont comme, il y a des pauses que je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Mon Dieu, Seigneur. Voyons, reviens-en. Ben, voyons, pourquoi qu'elle broye encore? Je rattrape un peu en désordre Black Mirror, puis écouté Metalhead. Hier, je savais qu'il y en avait un sur le robot Boston Dynamics, mais je savais pas si c'était celui-là. Puis, Chris. Incroyable. C'est vrai. Moi, là, tu sais, que cet épisode-là, là, je suis... Tu sais, si, tu sais, des fois, on demande ça aux auteurs, genre, c'est quoi l'œuvre que vous avez pas écrit, que vous êtes jaloux, là, que vous auriez aimé écrire? Metalhead, pour moi, c'est comme, c'est exactement ça que je veux faire dans la vie. C'est de raconter cette histoire-là, de cette manière-là, de faire un court-métrage de cette manière-là. Tu sais, parce que c'est tellement brillant à beaucoup de niveaux. Puis la finale, man, quand tu comprends tout ça, c'est pourquoi le message qu'il y a derrière, tu sais, c'est... Wow, c'était couper le souffle, puis... Tu sais, moi, toutes les années que je me suis plaint que les héroïnes dans les films d'action ou de sci-fi, c'était tout le temps des jeunes chicks, puis que, genre, je comprenais pas que depuis Sarah Connor, ça avait pas fait une plus grosse trace que ça. Là, on l'a en tabarnak, notre Sarah Connor, là, puis les influences de Terminator sont évidentes, mais... Oui. Il y a tellement plus de nuances, puis tellement plus d'humanité, puis de... Puis tu sais, de la manière que c'est tourné, puis je me rappelle pas c'est qui le réalisateur de cet épisode-là, d'ailleurs. J'ai envie d'aller checker, parce que j'avais déjà fait la recherche. Ouais, j'ai regardé... Puis ça m'avait marqué, là, parce que je connaissais les autres trucs là, qu'il a fait, là, attends un peu. Black Mirror... Metalhead... Je pense que c'est David Slade. Oui, exactement. David Slade. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, c'est ça? Il a fait Hard Candy. 30 Days of Night. OK, oui. Puis la saga Twilight. Oui. Et, attends. Ouais, c'est ça. Attends, il y en a un autre. C'est lui qui a fait Bandersnatch. Oui. L'interactif. Oui, exact. Que j'ai toujours pas fait. Ah, qui était plus écœurant. C'est super malade. Attends un peu. Je vais juste. Ben, Colin. C'est ça. OK. Parce que dans ma tête, je me rappelle d'avoir fait la recherche pis ça m'a surpris, mais dans ma tête, ça m'avait surpris, genre. Oh nice! Pis là, c'est que. Ça devait être Twilight qui t'a surpris, là. Hard Candies. C'était bon, en 2005. Mais tu sais, 30 Days of Night, c'était pas super. Puis, ben là, Twilight, il en a fait un, là. Il a pas fait la saga complète. Bandersnatch, par contre, c'est brillant. Fait que tu sais, bon, je sais pas. OK. Coudon. Hein? Puis, je vois qu'il a fait un truc qui s'appelle Nightmare Cinema, mais j'ai l'impression que c'est un genre de truc anthologique. Ouais, c'est ça. Il y a genre 6 réalisateurs, dont Joe Dante. OK, faut que j'écoute Nightmare Cinema. Ben, excuse-moi, tu voulais-tu dire d'autres choses sur Metalhead avant? J'ai comme plus parlé de toi. Là. Non, c'est ça, je m'y attendais pas. Puis c'était un bon coup, un bon impact. Puis, ouais. Très efficace. Très, très comme... concentré, c'est ça, c'est la poursuite, la détresse, c'est juste ça, mais c'est pas si loin que ça, hein. Tu sais, le robot, c'est clair que c'est pour des questions de sécurité puis de contrôle de foule. Ouais. Oh oui, ça pourrait être genre un livreur Amazon. Ça pourrait arriver dans genre 2-3 ans. Là. Ouais, ben le Boston Dynamics, c'est vrai ça. Là. Ouais. Ce qui est drôle de Spot, c'est son nom maintenant, là, au petit chien robot, c'est qu'il essaie de l'humaniser au bout, fait qu'ils font genre faire des danses, ils font faire des trucs drôles pour faire que... Pensez pas à Terminator, là, c'est pas un robot tueur, là, c'est vraiment ça, là. Le dernier vidéo que j'ai vu, tu sais, c'est une grosse chorégraphie qui danse genre super goofy, pis t'es comme... Mais t'sais, en même temps, c'est pas lui, hein, c'est pas le robot qui est méchant, c'est l'ordre qu'il y a. L'ordre, elle vient comment pas de machine. Comment il est programmé, ouais. C'est ça, exact. Ouais. Moi, ce qui m'a fait triper, c'est la technologie solaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de batterie, puis il shut down. Puis là, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais ça y prend juste un petit recharge d'une demi-heure, puis là, il est reparti pendant une heure. OK, j'avais pas catché ça, c'était le soleil. Ouais, c'est okay. ça. OK. Puis tu sais, ça, j'imagine qu'un jour, nos ordis puis nos cellulaires vont être comme ça, là. C'est-à-dire que... Puis j'ai dit solaire, mais je pense que c'est même pas solaire. C'est juste comme il shut down, puis il a besoin que la batterie recharge. Mais comment elle se recharge à travers un réseau, je sais pas quoi. Ouais, qu'il y a une source qui donne la puissance, là. C'est ça, tu sais. Puis tu dis, un de cette crise de petit chien-là, c'est tellement terrifiant, puis là, à la fin, t'es voir arriver, puis t'es comme, bah, c'est le désespoir total. Qu'est-ce que tu penses du reveal de la fin? Du punch final de qu'est-ce qu'il allait chercher dans la cargaison? Faire un autre gâcheur. Ouais. Allez l'écouter, là, pour vrai, c'est incroyable. Ben, le début est très rapide, ils sont trois, puis ils vont comme dans un espèce de hangar pour aller chercher du matériel, mais on sait pas c'est quoi. Puis la protagoniste dit justement, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait l'aider, même s'il y a pas beaucoup de temps à vivre, puis finalement ça se termine, c'est une boîte avec des oursons en plus. Fait que je pense qu'on comprend à travers ça que c'est un enfant ou une jeune personne qui est en phase mourante et qui voulait quelque chose de réconfortant pour que ce soit plus tactile que du froid puis là du métal puis n'importe quoi, là. Quelque chose qui a une résonance émotionnelle. C'est fou, parce que je le savais, le punch, mais quand je t'ai entendu le dire, là, j'ai une espèce de grosse vague émotive, parce que ça m'a rappelé que... va pas brailler à la cave. On n'est pas rendu là. Wow. Hey! Okay, je vais essayer de le raconter, puis si jamais je braille, tu coupes ça, mon tabarnak. Ça va, l'émotion a passé déjà. Mais c'est juste, ça m'a pris par surprise parce que je me suis rappelé quand j'étais à l'hôpital, puis j'avais un toutou qui avait un bracelet d'hôpital à son nom qu'un médecin avait fait. Fait que c'était mon toutou qui était un patient de l'hôpital comme moi, tu sais. Pis je me rappelle que en tant qu'enfant, là, j'avais pas trouvé ça cute, j'avais trouvé ça important, tu sais. Fait j'étais comme j'étais comme s'il y a ça, ils pourront pas l'enlever, tu sais. On vit plein d'émotions depuis 3 mois, on sait plus ce qui se passe. Fait que c'est ça. Okay. Merci d'avoir partagé ça. Ben oui. Ce qui me touche dans l'histoire, c'est que, oui, parfois, un esti de toutou pourrait être plus important qu'une boîte de pilules. Le Wi-Fi. Whatever, c'est ça. Le Wi-Fi, voilà. C'est ça. Même si c'est le Wi-Fi qui a propulsé le robot pour qu'il tue tout le monde. C'est ça. Bon, c'est une première, j'ai pleuré un podcast. Je pense pas que ça s'entend, parce que ça aurait été plus hot en vidéo. On aurait pu voir mes larmes. Mais ouais. T'es santé, hein? Je suis avec toi. Puis... Mettons que j'aurais pleuré à 2 mètres de distance, là. Tu prends ta lampe, pis t'as mis dans un Super Soaker 2000, pis tu crains ton gun, pis tu crains... Ben ça, c'est une autre question, je me demande, tu sais, je trouve ça fascinant, tu sais, ce qui se passe aux États-Unis avec toutes les protests, pis le mouvement Black Lives Matter, pis tout. Pis, tu sais, je trouve ça... Je pense que sociologiquement, on vit quelque chose d'extraordinaire parce que, tu sais, clairement, il y a une crise planétaire. Puis un mouvement qui prend la décision de faire comme ça, c'est plus important que le fucking virus, tu sais. Puis moi, je trouve ça magnifique, je trouve ça beau, je trouve ça poétique. Puis je back. Si c'était pas clair déjà pour les fans de la cave, moi, je suis quelqu'un qui... qui prône la justice sociale pour tous et le mouvement Black Lives Matter et le mouvement LGBTQ, je serai toujours là pour défendre ces armes et ces personnes-là, c'est mes amis, c'est ma famille. Puis c'est juste que je me demandais, tu sais, ça m'a juste fait réfléchir à plus petite échelle, vraiment insignifiante. Je veux pas comparer la vie de tous les jours à un mouvement social d'importance comme ça, mais c'est juste que je me disais, ça serait quoi qui nous ferait faire fuck, tu sais, le 2 mètres de distance. Tu sais, mettons que je m'en vais chez vous, puis je t'apprends qu'il m'est arrivé une tragédie, mes parents sont morts. Est-ce que tu fais fuck le 2 mètres de distance, je te sers dans mes bras? Puis la question est pas pour te mettre on the spot, j'ai nommé cet exemple-là, mais t'sais, la question c'est pas sur cet exemple-là, mais c'est sur c'est quoi le niveau qui fait qu'à un moment donné on fait I fuck off, tu sais? C'est ça que je trouve intéressant dans la question, dans le fond. Ouais, mais tu. C'est deux choses parallèles assez différentes, là. Tu parles de. De mouvements de contestation sociale de masse avec des mesures sanitaires pour faire qu'on soit en santé, là. Les mesures sanitaires, c'est pas l'ennemi sur lequel on doit se rebeller, là. Non, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Je pense que je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un certain moment, il y a des choses que tu remets en priorité. Puis il y a des trucs qui sont prioritaires. Puis clairement, ce mouvement social-là, il est prioritaire à... puis tu sais, en passant, les gens dans les manifs essaient de plus en plus de respecter le confinement. Souvent, ils ont des masques, tu sais, c'est pas... Mais c'est sûr que, tu sais, on nous dit distanciation sociale, pas plus que genre 10 personnes qui se connaissent rapprochées. Pis là, tu sais, tu t'en vas dans la rue, fait que c'est sûr qu'il y a un plus grand risque. Fait que c'était pas dans le sens de la contestation contre le virus, c'est dans le sens de la priorité qu'à un moment donné, notre vie tourne autour de ce maudit virus-là depuis 3 mois. Qu'est-ce qui ferait pour toi, personnellement, que genre, tu ferais comme... Il y a quelque chose qui passe prioritaire à les mesures de sécurité ou le confinement ou tout ça, tu sais. Je pense que si quelqu'un est en danger puis que j'ai la possibilité d'intervenir, là. Que si je peux aider, c'est une bonne réponse. Ben ouais. Ben je trouve juste ça intéressant comme question. Je voulais pas te plonger je pensais pas t'aller aller là, mais Ouais, non, moi non plus. Je sais jamais où je m'en vais. Oui. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Ben ouais, c'est ça. J'ai vécu de quoi, là, ça m'a fait aller à un autre niveau, là, de discussion. J'étais comme, là, on va pas parler de Ninja Turtle, là. On va parler de vie ou de mort, Doom. Non, mais je trouve ça intéressant. C'est la question est plus intéressante que la réponse, honnêtement, là. C'est juste, Tu sais, pendant quelques semaines, il y avait plus rien d'autre qui existait que ça. Puis là, tu sais, Black Lives Matter m'a comme rappelé, il y a quand même un ordre de priorité qui peut s'installer. Et pas par je veux pas mal m'exprimer puis confondre ça avec les gens qui se foutent des trucs de distanciation sociale. Je veux pas m'y mêler les deux affaires, mais je pense que dans la vie de quelqu'un va peut-être arriver quelque chose qui va prendre plus de place que ça, tu sais. Tu sais, comme un exemple, moi, j'ai un de mes grands chums, il a perdu sa mère pendant le confinement total, là, dans les 2 premiers mois. Tu sais, les centres funéraires, il y avait une loi que pendant que tout était shut down, tu pouvais quand même aller te recueillir. Évidemment, les gens pouvaient pas se coller, vous pouvaient pas serrer, mais c'était prioritaire, c'était genre, tu sais, même si on n'a pas le droit, ben ça, on l'ouvre pareil, tu sais. Okay, excusez un peu. Non, c'est ça ce qu'on prend. C'est plus dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on peut pas se permettre d'empêcher ou de pas faire avec la situation actuelle? Ça. Tu sais, comme, mettons... Non, c'est bon, je suis mieux d'arrêter là. C'est quand même, je pense que c'est la... On se la pose d'abord. Oui, oui, oui, c'est ça, j'ai ma clope dans les mains depuis 10 minutes. Ben, on va prendre une petite pause. T'as-tu pensé à ta toune? Parce que pour oui, moi... ben là, ça fait vraiment moins avec tout ça. T'as une petite toune full happy, genre. Ben écoute, prenez une respiration, puis... Oui, juste pour vous mettre dans... Excuse-moi, mais tu sais tellement fucké dans l'enfer. Juste pour se mettre dans le mot de Scud, la BD oui. qu'on va parler après la pause bien méritée. On va l'écouter Ride the Lightning de Metallica. Oh, shit! Repris par Iron Horse. Est-ce que tu okay. connais? Non. Pas Iron Man, Iron Horse. OK, ouais. Iron Horse, c'est un band qui fait du bluegrass, qui a repris des classiques comme du Led Zepp et du Ozzy, mais ils ont aussi fait un album de reprise de Modest Mouse puis même de Nirvana. Oh, wow, ça m'intéresse. En tout cas, fait que j'étais pas sûr que ça allait cliquer, mais ça clique. Fait que... Pis man, j'aime tellement ça parce que je sais pas si c'est voulu, mais tu me fais vraiment découvrir de la musique là à travers tes choix. Man, le dernier band là que t'as mis est sur mon téléphone. Là, je peux pas l'ouvrir parce que j'ai mon. Alors, on enregistre. Mais c'est merci de choisir des bonnes tunes de même. Fait que ça m'intéresse au bout. On s'en va écouter ça puis on en revient avec Scott. Oui. Flame. correct. C'était bien bon, cette, cette musique Doom. Tu te rappelles-tu quand on avait un questionnement, genre... T'étais comme... Ah, c'était quoi, donc? C'était genre, tu te demandais, tu sais, genre... Mais, tu sais, en anglais, quand on viole, on dit rape. Fait que... Quelqu'un qui rape, c'est un rapper? Un raper? Moi, j'ai dit ça? Ça? Oui! Pis là, moi, j'étais comme, ben non, ça n'a pas de bon sens. Raper, rapper, rap, rape. Pis là, finalement, c'est toi, deux jours plus tard, tu m'avais écrit, rapist! Pis là, j'étais comme, oui, c'est ça, c'est rapist! J'ai aucun souvenir de cette conversation-là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est, on a une mémoire sélective, les deux, hein. Fait que toi, tu te rappelles de plein d'affaires que moi, j'ai aucune idée, pis ça, je m'en rappelle très clairement. Si je pense que c'était proche de notre marathon de zombies, c'était dans cette époque-là, c'était cet été-là, pis t'étais comme, c'est pas un rapper? Parce que ça s'écrit R-A-P-A-R, rapper? Mais j'ai un souvenir similaire, mais avant que je t'ai connu dans les revues de jeux vidéo, quand il annonçait Parapa de rapper, moi je le voyais comme, voyons, Parapa le violeur, tu sais. Ben, c'est ça! Mais c'est pas cette conversation-là, je connaissais non. pas ça, là. Oui. Non, je sais, mais c'est peut-être à cause que t'as déjà pensé ça qu'après t'étais comme, voyons, tu sais, ça se peut pas, Chris. Okay. C'est pour ça que c'est fucké, therapist. Un thérapeute, parce que si tu le lis, c'est de rapist. Oui, il y a comme une liste de pires noms de domaine sur Internet, puis il y en a un, c'est the therapist ou therapist.com. Nous sommes de retour, nous continuons notre 25 épisodes chargés en émotions et en gâcheux et en partage et en... saperlipopette de choses qu'on n'avait pas vu venir. Exact. Et on va vous parler de Scud, la magnifique bande dessinée de Rob Schrab. Comment as-tu connu ça, Jake? J'ai connu ça dans Wizard Comic Magazine Buyer's Guide, la revue Wizard. Et c'était dans la chronique Palmer's Picks, qui était vraiment awesome. Palmer's Picks, c'était une chronique de deux pages. Tu sais, Wizard était beaucoup sur le mainstream, sur Marvel, DC, puis évidemment, Image Comics est arrivé, ça parlait juste de ça. Et à travers toute la revue, il y avait beaucoup de bullshit. Tu sais, c'était beaucoup, genre, à quoi Jim Lee ressemblait quand il était un bébé, puis il y a un article là-dessus, puis tu sais, c'est de la merde. Mais il y avait des petits joyaux qui s'appelaient Palmer's Pick. Puis Palmer, c'est un gars qui écrivait là. C'est un journaliste qui travaillait aussi, je crois. Puis là, je veux vraiment pas me planter, là. Hey, je suis pas game. Mais tu sais, c'était le genre de journaliste qui aurait pu travailler pour le Comics Journal, qui était vraiment plus sur, tu sais, la BD américaine at large. Fait qu'autant l'indépendant, puis Comics Journal, est le fondateur et aussi le... l'éditeur de Fantagraphics, fait que tu sais, c'était comme à la recherche de la BD intelligente un peu. Je pense pas que Palmer ait travaillé pour Comics Journal, mais il était plus dans ce niveau-là, fait que lui, genre ses recommandations, c'était tout le temps des affaires super hot. C'est là la première fois que j'ai entendu parler de, mettons, Michael Red avec son Madman, Scud justement, mais tu sais aussi il parlait de Paying for It, c'est qui a fait ça? Chester Brown. Il a parlé de Black Hole, tu sais, il s'intéressait à... Il mettait de l'avant les petits, les moins connus. Exactement. Des gens en spandex, là. Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que c'est tous des monuments, finalement, là, tu sais, Charles Burns, puis Chris Ware, puis tout ça, mais dans le réseau de la BD mainstream, c'était inconnu. Puis, il avait parlé de Scud. Et je me rappelle juste que dans son descriptif, il avait fait référence à si t'aimes les films de Kung Fu, si t'aimes la musique punk californienne, si t'aimes Quentin Tarantino, pis t'sais, à l'époque, il avait juste fait, genre, Reservoir Dogs et Pulp Fiction, fait que Kung Fu et Tarantino, c'était même pas deux mots qui allaient ensemble. Pis si t'aimes l'idée que Jésus fait du rollerblade, ce comic-là est pour toi. Pis là, j'avais fait comme, ok, faut absolument que j'achète ça. Et j'étais allé à mon comic book shop, qui était très loin à l'époque, dans une autre ville, tu sais, il fallait que je travaille fort pour y aller. Puis, il y avait le numéro 1. Et j'ai acheté le numéro 1. Ouais. Je sais pas si ça vaut vraiment si cher. Je me rappelle que, mettons, 10 ans, j'avais fait une recherche, puis c'était pas débile, mais c'était un truc... peut-être j'avais une réimpression aussi, là. Mais c'était un truc indépendant, mais qui était dans le boom du comic book. Fait que... on se rappelle que dans les années 90, il y a eu une espèce de, à cause des cartes de hockey puis des cartes de sport, puis il y a un article qui disait que la première apparition de Superman valait maintenant 1 million, mais les gens sont mis à acheter du comic, mais les collectionneurs, puis ça a vraiment fait un gros boom dans le marché. Oui. C'est ça qui a créé la gloire de Image Comics, parce que tous ces numéros-là, c'était des numéros 1. Et les gens se disaient, hey, dans 20 ans, je vais payer, tu sais, le collège de mes enfants avec ce fucking comic book-là. Finalement, ce qui est ironique, c'est que c'est aussi ça qui a tué le marché, mais c'est ça qui a permis à plein de créateurs de se lancer, puis normalement, ils auraient fait un book très indie, puis que là, ça a pu avoir du succès. Fait que, tu sais, je pense aussi, parallèlement à ça, il est arrivé l'histoire des Ninja Turtles en même temps, avec un peu avant, j'imagine. C'est avant Scud, mais je veux dire, c'est dans la conscience populaire de faire que... C'est ça. Puis t'sais, genre, ça va valoir cher un jour. C'était surtout ça, l'argument. Fait que Scud a quand même eu une grosse run, puis j'en ai entendu parler dans Wizard. J'ai acheté le premier numéro. Après ça, j'ai acheté tous les numéros que je pouvais... puis j'ai arrêté, je te dirais, peut-être au numéro 12. Puis c'est des années plus tard que je me suis trouvé le gros trade qu'on va parler, mais... Toi, c'est quoi ta... Est-ce qu'il y avait d'autres séries, d'autres titres que tu achetais en single issues comme ça? À cette époque-là, oui, énormément. Oui. Mais, tu sais, mettons ceux que je suis fier, que genre, le côté... auteur de BD et fier, ben t'as, en fait j'ai aucun regret là, mais tu sais, j'achetais full de Gen 13 parce que c'était ça de shit, mais j'achetais aussi Stray Bullets, fait que Stray Bullets numéro 1, je l'ai premier print, tu sais, je lisais aussi du Watchmen, mais du Young Blood, tu sais, fait que je veux dire, le spectre était large, Puis, tu sais, j'aurais pas pu t'articuler ou t'expliquer comme il faut pourquoi j'aimais Youngblood et pourquoi j'aimais Sin City, mais j'achetais les deux, tu sais. C'est bien correct. Ben oui. C'est ma passion, vous fait que, avec le recul, je suis comme, c'est donc bien cool que je trippais sur plein d'affaires weird, tu sais. J'étais pas juste genre... Batman, je l'aime, fait que je dis juste du Batman. T'sais, c'était vraiment très, très large, là, mon truc. Ouais. Puis il y a des choses Scott, je me rappelle d'avoir que t'aimes, justement, comme Scott, que j'imagine que tu respectes encore, puis que t'aimes encore. Ben oui, puis aujourd'hui, ça se reflète très bien dans ma bibliothèque, là. Je veux dire, j'ai pas juste du comic book américain, là. Je veux dire, j'ai autant du manga que de l'européen, que des BD super weird, que, tu sais, mais je me rappelle que Scud, ça avait été un coup de cœur, puis ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était frais, puis qui était tellement nouveau, puis c'était dans les mêmes années que je découvrais aussi Ren and Stimpy. Oui. Fait que là, tu sais, je faisais des associations de genre, hein, on prend des codes de la culture populaire, puis c'est comme si on l'injectait d'LSD, puis que là, tu sais, ça fait speed. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, t'as une bonne description quand même, là, le moule de base, puis on éclate à fond, là. Moi, j'ai connu, en fait, tu parlais du single, mais je pense que t'avais des trades aussi, peut-être? Ouais, je pense que j'ai acheté le premier numéro, puis après ça, j'avais le premier trade. Ça, parce que faire. Plus tard, après qu'on se soit connu, dans le temps que t'habitais dans la cave chez Jesus, un ami du temps, j'en avais lu, puis j'avais pas réalisé que je pense qu'il y avait vraiment des écarts dans ce que je lisais entre les numéros, entre les volumes. Puis quand j'ai lu l'anthologie que tu m'as prêté, c'est là que j'ai réalisé que moi, j'avais vraiment accroché sur le personnage de Drywall, et qui arrive quand même beaucoup plus tard. Puis il me semble que quand moi, je l'avais lu, les numéros que t'avais, c'était comme d'un à l'autre, fait qu'il y avait vraiment comme un espace entre les deux. Il y avait beaucoup de matériel que j'avais pas connu, mais moi aussi c'est comme très l'impact, tu comprends pas, ça va vite mais t'arrêtes pas de lire, puis tu sais, c'est super malléable puis expressif puis déjanté là. Puis c'est vraiment une autre époque, parce que juste pour dire, tu sais, je ferais plus jamais ça aujourd'hui, mais c'est une série que j'achetais avec G. G qu'on n'a toujours pas mentionné dans l'épisode, d'ailleurs, salut Axel, mais G qui est notre ami qu'on mentionne à tous les fucking épisodes de la cave, qui un jour va faire un épisode complet avec nous, c'est sûr, mais je me rappelle que j'avais le premier numéro, puis peut-être genre le deuxième trade, puis lui avait un autre trade, fait que j'ai fait « Ah, ben je vais acheter celui d'après, comme ça, tu sais. » Puis lui, après ça, il a continué à acheter des singles. Moi, j'ai acheté des singles, mais les deux, on se timait pour pas avoir les mêmes. Puis on gardait tout chez soi. Tu sais, c'est pas comme si on mettait ça dans une boîte, puis on disait « Ça, c'était à nous deux. » Mais quand j'allais chez eux, je lisais les numéros que j'avais pas, puis quand ils venaient chez nous, tu sais, vice-versa. Puis juste ça, tu sais, c'est comme... On dirait que je ferais plus ça aujourd'hui avec un ami, mais je trouve ça hot, tu sais, je trouve ça hot qu'on faisait ça. C'est comme dans les Simpsons, quand ils achètent le comic à trois, puis ouais, c'est ça. Ça passe. C'est ça. As-tu fortifié ton amitié avec G? Oui, parce que en plus, je me rappelle qu'un moment donné, on se débarrassait de comics, puis un de nous deux a dû faire le choix de donner, puis c'est G m'avait donné les numéros qui me manquaient de Scud. Ça, j'avais trouvé ça vraiment sweet. J'étais comme, ah, il aurait pu les vendre au moins une pièce chaque, mémé. On avait 17 ans, là, fait que c'était comme vraiment cool, là. OK. Fait que c'est pour ça qu'à l'époque que je te l'ai prêté, quand j'habitais chez Jesus, peut-être que Jim m'avait donné ses numéros aussi, parce que je me rappelle que c'était que je lisais dans le désordre, là. Fait que c'est là que t'as entendu parler pour la première fois du code? Je pense que oui, c'est le souvenir que j'ai, là. Moi, j'aurais pensé que ça a été dans un magazine de EGM ou de GamePro ou de... Parce que c'est devenu un jeu vidéo. Il y a eu deux jeux, en fait. Il y a eu un jeu au Sega Saturn, puis un jeu au PC, mais je pense que ça a été un peu passé sous le radar, là. C'est pas des jeux super mémorables de ce que j'ai vu. Je pense que la BD se tient, puis c'est ça son... C'est ça le ben, faudrait, en fait, là. Faudrait expliquer c'est quoi la BD. Ben oui, ben oui. Tu veux-tu le faire ou je le fais ou Ben c'est Scud de Disposable Assassin. Donc c'est comme Tyler Durden quand il prend l'avion, là, que c'est comme un single serving friend, fait que c'est comme un assassin à usage unique. Fait que c'est carrément une bande distributrice comme de boissons gazeuses ou de chips, puis tu mets tes scènes, puis t'as un assassin qui sort, puis tu lui donnes une mission, puis une fois qu'il a fait sa mission, il s'auto-détruit. Fait qu'on est dans le acheter-jeter. Puis le robot, Scud, il prend conscience de ça, qui est marqué derrière son dos, que quand tu complètes ta mission, tu vas exploser. Fait que fuck, il veut pas mourir. Puis de là part toute une aventure, une épopée folle pour rester en vie. C'est qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il sauve le target qui était supposé tuer, qui s'appelle Jeff, et en disant ce nom-là, vous avez aucune idée à quoi Jeff ressemble. Vous pensez qu'il ressemble à un dude, mais Jeff est probablement la créature la plus étrange jamais créée par l'humain. Puis c'est une renouvelle sans cesse. Fait que c'est une tête qui est en forme de plug électrique géante. Avec le t-shirt de Freddy Krueger qui cache deux paires de seins, c'est pas quatre. Au lieu des mains, il y a des pinces à souris. Oui. Sur son ventre, il y a un octopus, une pieuvre ou un pulpe qui a des guns laser dans chaque main, et ses jambes sont comme des espèces de grosses jambes verte, dégueu, mais ses genoux sont remplacés par des bouches. C'est donc, ça. Quand Jeff parle, il parle de ses genoux. Sur les rotules, oui. Et ce que Scott fait, c'est quand... Ça, c'est juste le début. Oui, ça, c'est... On parle du premier numéro. Si Scott... il faut qu'il tue cette créature-là, qui est en train de, en fait, envahir le mannequin... Attends, comment ça s'appelle? C'est tellement niaiseux. Marvin's Mannequin, qui est un espèce de gros building industriel géant où ils construisent des mannequins. Scott, finalement, réussit à décapiter Jeff sans le tuer et de prendre son le dernier bout qui reste. Le garder en vie puis l'immobiliser. Ouais. Et de le garder en vie. Sauf que là, pour ça... faut qu'il paye des billes d'hôpital parce que ça coûte cher le garder en vie. Et c'est là qu'il fait comme, bon, ben ça me prend un autre job. Et là, l'aventure s'en suit. Ça, c'est juste dans le numéro 1. C'est de là que ça part. Puis à partir de là, Scott va devoir faire plein de gigs de tueurs en série, de bounty hunter, d'assassins, whatever. De mercenaires pour garder Jeff en vie. La prémisse est quand même fucking cool. Ça ouvre la porte à ce que tu veux, là, pratiquement. Puis en même temps, ça garde tout le temps un stress, parce que, tu sais, c'est comme c'est la bombe en dessous du divan d'une pièce de théâtre. Là, genre, t'sais, comme, elle est là constamment, puis c'est quand que ça va péter, c'est quand quelqu'un va savoir ça, qu'il va vouloir s'attaquer à Jeff pour tuer Scott. Tu sais, il y a une prémisse là, très, très forte, là. C'est pas sa femme qui est inconsciente puis qu'elle a le cancer qui va mourir. C'est un ennemi qui peut se réveiller puis aller contre lui. Là. Exact. Puis Jeff a une... parce que ce qu'il faut dire de Rob Schrab, c'est que c'est clairement quelqu'un qui est en amour, mais son cœur et ses tripes sont dans cette BD-là. Et c'est pas quelqu'un qui se contente de faire le minimum. C'est quelqu'un qui va se dire... si je peux faire ce case-là, comment je pourrais la rendre tout le temps plus haute? Ou ce personnage-là, comment je pourrais l'élever toujours plus? Et Jeff parle uniquement en citations de films. Et c'est souvent des citations horrifiques dans un film. Fait qu'il va tout le temps, genre, quoter des films, mais pas nécessairement des films d'horreur, mais des personnages terrifiants dans des films. Fait que ça lui donne un côté, même s'il est complètement absurde, ça lui donne un côté, genre, épeurant, ou genre... plus grande comme... nature, là, comme... Exact. Je viens d'ouvrir une page ici, puis il dit « Now, young Skywalker, you will die. » Il y a une autre citation, tu sais, qui sort d'une porte, puis t'as Scott qui est juste devant, puis il dit « Wait till they get a load of me. » Tu sais, ça vient de où, ça? Non. Ça vient de Joker dans Batman. Quand que il parle de... En tout cas, oh, je me rappelle plus quand. Mais je sais que ça vient de là. Le personnage de Scott aussi, son conceptualisation, son design est très intéressant. Il est comme tout mince, grand, il est comme très malléable. Il a juste deux yeux, il n'a pas de bouche. Mais tu sais, on voit, on comprend quand même l'expression à chaque case avec avec la forme, les mains, comment qu'il bouge. Ça me rappelle comme un Spider-Man, comme très très dynamique, là, mais... ouais. Il est très animé, très... il porte un peu de comédie à travers tout ça. Puis il y a une personnalité, ça, c'est important de... Parce que après Palmer's Pick, dans Wizard Magazine, tout le monde a acheté Scott. Fait quelques numéros après, dans Wizard, il y avait une entrevue avec Rob Schrab. Je sais pas si tu te rappelles de Rob Schrab dans sa magnifique photo où il est habillé en genre de personnage féminin dans une pièce de théâtre avec des mopettes. C'est un excentrique, c'est quelqu'un qui est wacky, c'est ça le mot là pour définir ce gars-là, il est très wacky. Quand ils ont demandé de la création de Scott est né de où, il racontait que c'est un gars qui était en couple puis il a eu un gros break-up puis que il a essayé de se refugier dans son art. puis tout ce qu'il dessinait, c'était super dark, fait que tu sais, c'était full cliché, puis c'était comme Batman qui braille sur le top d'une église en checkant genre ses parents morts, ou tu sais, c'était tout le temps des images très très lourdes, très très très tristes. Puis il y a un bonjour qui a fait comme OK, ça me tente plus là. Ça me tente plus de morfondre sur moi-même, j'ai envie genre de créer un personnage qui va genre kicker l'adversité là, tu sais, qui va rire dans la face de l'adversité, puis qui va pointer ses guns. Puis la personnalité de Scud, c'est ça, c'est qu'il a tout le temps moyen de se plaindre, mais il se plaint jamais, puis il est tout le temps comme hi ho, puis il repart, tu sais. Puis c'est con parce que c'est une BD super wacky, mais par moments qui tu sens qu'il y a vraiment quelque chose de personnel dedans. Puis je trouve que ça ressort bien, tu sais. Ça arrive souvent que Scud est supposé genre à être désespéré ou tu sais, qu'il est face au désespoir, puis son attitude est ultra cowboy optimiste, tu sais. Mais Rob Schraub, je le connaissais pas. Je sais qu'il a fait de la télé, mais en comic book, c'est pas mal sa seule grosse œuvre. Ouais, c'est ça. C'est que en fait, pour le backstory, c'est que Rob Schraub a commencé Scud seul, puis rapidement, lui, il faisait partie d'une ligue d'impro. Puis rapidement, il a inclus ses chums d'impro dans l'écriture. Puis Monty Carter, qui est un de ses chums improvisateurs, et l'autre que peut-être quelques fans vont connaître, qui est Dan Harmon. Oui. Fait que Dan Harmon, par la suite, pour les gens qui le connaissent pas, a créé le show Community. Qui est fabuleux, là. Je le découvre sur le très tard. J'avais eu quelques épisodes dans le temps, mais c'est... T'es rendu où? Début saison 3, je pense. Ah, c'est ça, là. Toute cette période-là. C'est quand on s'est sorti en dehors de la boîte, puis se réinventer, puis c'est assez fabuleux. Ouais. Des épisodes de 30 minutes avec pause, c'est 22 minutes. Puis c'est vraiment... En fait, il y a même un clin d'œil, l'épisode où ils jouent à Donjon Dragon avec un espèce de personnage invité. Quand ils font l'espèce d'introduction du personnage, ils disent que c'est un geek, fait que là, il y a plein d'items, plein de choses à l'écran, dont le premier numéro de Scud qui pop. Fait que c'est un beau clin d'œil, là, mais c'est ça. Dan Harmon a co-écrit des numéros de Scud avec Schraub. Exact. Puis ce qui est encore plus fascinant, juste petite parenthèse sur Community, c'est que t'sais, les deux réalisateurs, c'est les Russo Brothers. Avengers. C'est eux qui ont fait la grosse finale d'Avengers, mais c'est eux qui ont fait les meilleurs films du MCU, en fait. T'sais, c'est eux qui ont fait Winter Soldier, Civil War, Endgame, puis Infinity War juste avant. Puis c'est drôle parce qu'il y a certains épisodes que, évidemment, Community a pas le budget des films de Marvel, mais tu vois l'ambition, exactement. Mais le réalise très bien, tu sais, les épisodes d'Halloween, ça tombe carrément en film d'horreur si t'enlèves les personnages. Ouais, exact. Puis, ce qui est malade, c'est que je trouve que Scud va toucher exactement la même chose. Fait que c'est une sensibilité, je pense, que Rob Schraub partage avec Dan Harmon. C'est que c'est comme si on niaisait tout le long, sauf qu'on comprend l'intensité pis l'intention des personnages, que t'es capable, en un coup sec, d'infuser ça d'une situation super dramatique, puis pourtant tu y crois, même si c'est des personnages qui ont un pitbull à la place de la tête. Genre, il y a des certains moments que tu fais comme, OK, les gars, ils comprennent le storytelling. Puis juste une dernière affaire sur Rob Schraub, avant qu'on continue sur Scud, c'est que lui, sa relation avec Dan Harmon, évidemment, c'était deux meilleurs amis. Et ils ont créé ce qui, aujourd'hui, serait le premier YouTube, mais à l'époque, avant YouTube, ils ont créé un site web où tu pouvais soumettre des courts-métrages. Puis, eux, je me rappelle pas où ils habitent aux États-Unis. Je sais pas si c'est en Californie ou de quoi, mais ils organisaient des genres de festivals de ces courts-métrages-là d'Internet. Fait qu'il y avait autant de la crap que du monde qui travaillait full fort là-dessus, puis ils présentaient tout, puis tout était... C'était le YouTube. Ouvert à tous ou juste dans leur réseau de contact? Ben, c'était un site web. Mm-hmm. Fait qu'aussitôt que t'étais sur le site, mais tu sais, c'était pas comme aujourd'hui que tu pouvais uploader de quoi. Ouais, là, oui. Fait qu'il fallait que tu l'envoies au site, fallait qu'eux, ils l'uploadent sur le serveur, puis ensuite, tu l'as partagé directement sur le site. Mais eux, c'était leur idée de faire comme, on encourage la créativité, puis évidemment, il y a une communauté qui s'est bâtie autour de ça. Mm. Malheureusement, je me rappelle pas le nom, mais si vous cherchez Dan Harmon, Rob Schraub, vous allez tomber dessus tout de suite, c'est dans leur bio, là, parce que c'était comme une des premières fois que ça arrivait sur Internet, une genre de plateforme créative comme ça. Et les deux gars, ensemble, ils ont fait un pilote. Ah là, j'ai un esti blanc, j'aurais dû noter ça dans mes notes, là. Avec Jack Black. Et ce pilote-là est devenu culte. Ça a jamais été un show télé, mais ce pilote-là, genre sur Internet, c'est devenu viral. Puis c'était comme une espèce de K2000, mais que le gars, il a un cerveau d'ordinateur, puis il parle à son char, puis c'était comme les premières parodies de ces trucs-là, avant que ce soit un courant, là, tu sais. Fait que pense à, tu sais, Turbo Kid avant Turbo Kid, ou tu sais, whatever, là. Ils ont créé ça ensemble sur ce site-là. Fait qu'ils sont vraiment devenus populaires sur Internet et se sont tout de suite fait repêcher par des agents qui font l'écriture pour de la télé. Mm-hmm. Puis ils ont travaillé sur les deux ensemble sur le Sarah Silverman Show. Oui. C'est ça, je pense que Schraub a réalisé une bonne portion du show. Je pense que il a réalisé aussi quelques épisodes de Community puis quelques épisodes de Parks and Recs aussi. Exact. Puis à ce moment-là, tu sais, sans embarquer dans le gossip parce qu'on s'en calisse, je sais que les deux ont eu une espèce de rupture de collaboration et d'amitié pendant un certain temps. OK. Parce que c'était comme les deux meilleurs chums. Oui. Puis Dan Harmon s'est fait crisser dehors, puis l'autre a décidé de rester. Puis tu sais, avec l'ego, puis la personnalité, puis tu fais comme, man, tu choisis l'ennemi, tu choisis de man au lieu de tes vrais chums. Tu sais, j'imagine que c'est un genre de situation de même. Mais imagine, imagine que je fasse la cave seul. Ouais, puis tu sais, genre, Chris Pratt, là. Puis là, juste moi tout seul. OK. Ben, je t'écouterais, d'où. Ouais. Mais bref, ça a pas duré longtemps, leur chicane, parce que, évidemment, ils ont retravaillé ensemble, pis tu sais, Dan Harmon, encore une fois, un des pionniers, c'est un des premiers, podcasters. OK. Tu sais, c'était pas le premier, comme, mettons, Kevin Smith ou Marc Maron, qui ont vraiment, tu sais, tu peux checker, genre, les deux premières années du podcast, pis étaient là. Mm-hmm. Mais il est quand même arrivé avant que ce soit un courant, Il a aidé à le façonner, à le définir. Là. Ouais, c'est avant que ce soit un courant populaire. Là, ça, ouais. Dans le temps qu'il y avait certains podcasts un peu niche, mm-hmm. son podcast à Dan Harmon... Là, on parle beaucoup de Dan Harmon, mais c'est parce qu'il a écrit pour Scud. Ouais, c'est ça. Il a écrit pour Scud, mais c'est pas le créateur de Scud. Mm. Mais bref, il a créé son podcast qui s'appelle Harmon Town. Et Rob Schraub a été souvent invité à ce podcast-là. Mm. Puis la raison pourquoi on parle de ça, c'est que dans le fond, aussitôt que les gars ont commencé plus à travailler pour la télé, puis à faire des podcasts, puis à faire plus de projets pour Hollywood, puis tout ça, Rob Schraub a complètement délaissé ce code qui n'était pas fini. Fait que ça a commencé, je te dirais, mi-90, j'ai pas les dates devant moi, mais tu sais, ça s'est terminé. Il y a une cassure de 10 ans, je pense. Exact. C'est 10 ans, c'est pas 20 ans. Tantôt, je me suis trompé. OK. Il aurait fallu que je fasse plus de recherches, je m'excuse. Mais c'est correct, on parle avec les triples. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est intéressant, dans le fond, c'est que, tu sais, il a arrêté, mais comme n'importe quel projet qui est pas fini, ben ça continue à le gruger. Oui. Puis c'est même starté une chaîne YouTube quand il a décidé de recommencer. Scud? Ouais, puis tu le vois travailler, genre, il a installé une caméra, genre, okay. Puis là, tu le voyais, genre, travailler pendant 24 heures, puis il faisait un petit montage, tout ça. Oh. C'est super intéressant, puis le gars, il est super drôle, il est super créatif. T'as-tu déjà écouté, toi, des épisodes de Harmon Town? Non. Non, pas du tout. Je pense que t'aimerais ça. T'as-tu déjà écouté Rick et Morty? Oui, ben c'est ça, Dan Harmon, c'est le créateur ou co-créateur de Rick? Co-créateur. Co-créateur, ouais, c'est ça. C'est ça, on voit comme la genèse, ou en tout cas, on peut, en lisant Scott, je pense qu'on peut prendre certains éléments qui ont lié à cette folie-là qui explose, puis qui est dans ta face, puis qui est imprévisible. Ouais. Ouais. Là, excuse-moi, j'ai parlé beaucoup, là, j'ai comme tout déballé mon sac, il me reste juste une note, mais on peut y revenir plus tard, si tu veux, je te lance la balle d'eau. Parce que moi, ce que je voulais savoir, dans le fond, c'est si t'avais joué au jeu, parce que Scud a eu un succès pour une BD indépendante, mais c'était comme surprenant de le voir popper dans, justement, des magazines de jeux vidéo, puis le faire, hein, il y a un jeu de Scud qui s'en vient. Ouais, j'imagine que c'est le personnage comme qui était exploitable dans le bon sens, qu'on aurait pu transférer dans d'autres médias. Comme une fois, j'imagine, toi, t'as pas joué au jeu comme moi, j'imagine? Non, jamais. C'est ça. J'ai vu des vidéos, ça a l'air un peu rushant. C'est ça, c'est ça. Ça a l'air daté, ça a l'air, tu sais, ils l'ont fait, puis c'en est là, mais je pense que le cœur, c'est vraiment la BD, là. Fait que t'as pas joué non plus. Non, c'est ça. J'avais pas de Saturn, puis elle leur dit que je l'avais pas, là. Ouais. Mais c'est un jeu sur quelle plateforme? Il y a deux jeux, en fait. Un jeu au Saturn, puis un jeu au PC, puis c'est deux jeux différents. Ok. Tabarnak, Saturn, quand même. Ça veut dire qu'il y a du monde qui... Ah, pauvre Sega Saturn. Ah, quand tu dis mauvais place au mauvais moment, là. Pauvre, là. T'en parlais de jeu de combat, là. T'as-tu déjà joué à Sonic the Fighters? Non, j'ai joué. C'est le jeu de combat de Sonic the Hedgehog. Oh my gosh, je savais même pas que ça existait. C'est tout ce que tu imagines, là. C'est pour toi. Ben, j'imagine ça cool, bizarrement. Est-ce que tu pouvais bouncer, genre, dans l'écran, puis faire des spins, puis tout? Pas vraiment, là. Ils ont comme des cardbox en genre de popcorn, puis tu tapes dessus. Ah, ok, c'est pas un jeu de fight cool. Là. Non, c'est une curiosité. Puis j'étais curieux. Fait que Scott, c'est ça, j'ai parlé de mon souvenir avec le personnage de Drywall, qu'il arrive dans plusieurs numéros plus tard, qui devient un peu un allié ou quelqu'un qui se lie avec Scott. Puis en fait, c'est comme une espèce de grosse poche de patate avec plein de fermetures éclair, puis peu importe la situation, t'as comme des petits bras, comme des personnages de Disney ou de Mickey Mouse, qui vont aller chercher dans la poche de patate, peu importe l'item pour pallier à la situation. Mm. Fait que ça, c'est un super bon personnage. Puis à un moment donné, Scott va dans la poche de patate, puis il se rend compte que c'est comme des terrains de football remplis de compartiments de n'importe quoi, autant des boutons de manchette que des... bazooka, que des dinosaures, que n'importe quoi, mais c'est ça, je voyais comme le niveau d'imagination pis de possibilité, pis ça m'avait vraiment marqué. Ah oh oui, pis tu sais, ça, c'est l'imaginaire, tu sais, et par moment, moi, c'est le seul bémol que j'ai avec le gros omnibus, là, c'est que je pense qu'il aurait dû le séparer en trois, même si j'adore ça, avoir un gros livre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient soufflant, tu sais. C'est qu'il y a tellement de créativité, mais genre, tu prends comme un single issue, dans ce single-là, tu vas avoir une scène, tu fais comme, man, t'aurais pu faire un épisode complet juste sur cette prémisse-là, tu sais. Fait que, mettons, l'exemple que tu viens de nommer, tu sais, Mais ce personnage est important quand même, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, Drywall, c'est comme un, dans le fond, un trou noir infini à l'intérieur de lui qui stocke du n'importe quoi. Random. Puis je sais qu'il y a une deuxième série. Il y a eu deux spin-offs de Scud en BD. Puis je pense que Drywall était un des deux. Mais bref, parce que j'ai perdu mon dé. Je trouve ça c'est fucking fascinant, mais en même temps, des fois, il y a trop de stock. Dans le bon sens, je dis pas ça, genre... tu sais, je pense que si tu lis... Je sais pas de quelle manière tu l'as lu, Doom, le trade, mais tu sais, j'aurais de la misère à lire ça, genre, one shot en, genre, une journée ou deux, tu sais. Non, c'est ça, je l'ai fait en plus qu'une journée, mais je l'ai quand même fait j'ai quand même eu des bonnes sessions de lecture que j'aurais pu un peu plus espacer. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a du stock, puis même dans les premiers volumes, dans les premiers numéros. T'as comme de la misère à suivre le rythme puis avec toute l'information qu'il te propose, mais c'est drôle parce une partie du succès de la BD. Là. Je le refeuilletais tantôt, puis tu sais, je me rappelle vraiment plus de la première partie que la deuxième, qui est complétée 10 ans plus tard. C'est pas exactement au milieu, mais mm-hmm. la deuxième partie, genre, je l'ai lu juste une fois, tandis que les trades puis les singles, j'arrêtais pas de les lire constamment. Ouais, ouais. Puis il y a un segment où il se fait tirer dans la main, et ça désactive comme, ou ça le fait virer comme psycho. Fait que Scud, il prend du sang, et il se fait un sourire, parce que Scud, c'est juste deux yeux sur un genre de visage. Ouais, il est tout robot. Long, il est tout élancé, là. Exact. Son visage, là, t'sais, pensez à un long rectangle. C'est ça, sa face. Arrondi, c'est un long rectangle jaune avec juste deux yeux. T'sais, fait que il est comme super cute, là, t'sais, super design. Puis il se fait un sourire. Puis là, après ça, il va prendre des barbelés puis il se fait genre une couronne avec. Puis là, il se prend une toche. Puis là, tu comprends qu'à cause qu'il a désactivé, c'est comme, je sais pas si son intelligence ou sa conscience ou whatever. Là, il se prend pour Jésus. Et après ça, il va chercher un gun laser géant et il s'adresse à ses ennemis en disant I'm Jesus with a laser gun and you're all going to hell. Puis, peut-être ça a l'air lame quand je le dis comme ça, mais c'est qu'il y a un build-up, c'est case par case que tu fais comme qu'est-ce qu'il fait là? Puis ça me rappelle beaucoup l'humour de Sam Raimi, tu sais, dans Evil Dead. Oui. Tu sais, des genres de c'est super loufoque tout le long, pis là, un moment donné, choum, il y a un genre de one-liner qui est aussi absurde, mais genre, tout d'un coup, c'est juste le timing pis le truc qui est brillamment placé, pis avec tout le danger pis l'impossibilité devant lui qui lance ça. Pis, tu sais, il est comme terrifiant, c'est comme, je l'ai peut-être raconté comme si c'était drôle, mais c'est comme épeurant quand tu le vois, c'est comme plus traité comme de l'horreur. Il y a un autre moment où il se fait arracher un bras, puis il va chez le mécanicien pour avoir un nouveau bras de robot. Ah oui. Puis ils ont pas de bras de robot, finalement, puis il est pas capable d'avoir son fucking bras. Order, hein? Il est back order. Fait qu'il intimide le mécanicien en disant, genre, ben man, donne-moi n'importe quel crap, mais t'sais, rends-moi heureux jusqu'à temps que t'aies mon fucking bras, t'sais. Puis le mécanicien qui est comme, oh shit, ok, ben regarde, j'ai ça. Puis là, il donne un bras qui est un bras humain. De loup-garou. Qui appartenait, c'est ça, à un ancien soldat, puis c'est vraiment deux numéros plus tard qu'on apprend que ce bras-là, c'est un bras de loup-garou. Fait qu'à la pleine lune, le bras contrôle Scud, et ce que ça a comme conséquence, c'est que Scud parle en quote de Shakespeare. Il parle en vieil anglais, full dramatique, pis il se pose avec le bras de loup-garou sous la lune, pis... Pis il se défend bien, pis quand le soleil réapparaît, lui, shit, qu'est-ce qui s'est passé, pis tu sais, exact, il comprend. Hein. Ouais. Mais c'est ça, ma dernière note pour l'ambiance, pour mettons, tu sais, ce qu'on vous dit là depuis tantôt, vous êtes comme... Vous catchez pas trop, pis vous, tu sais, vous avez pas de visuel, pis vous êtes pas sûr... Moi, un des grands rendez-vous manqués de l'histoire de la culture pop, c'est pendant la fameuse période de Liquid TV, qui était, tu sais, des cartoons présentés à MTV, qui étaient un peu plus wacky. Je pense à The Max puis à Aeon Flux. OK. J'aurais tellement vu un cartoon de Scud. On était dans la même époque, puis c'est le même genre de brainfuck, là. Le même genre d'originalité, ça ressemble à rien d'autre. Tu peux pas dire, genre, ah, Scud, c'est comme ce BD-là, mais modernisé. Non, non, tu sais, c'est vraiment son propre univers. Tu sais, oui, tu vas voir des références à Tarantino, tu vas voir des références à des films de gangsters, à des films de kung-fu... Mais c'est un amalgame de mixé avec du Ren and Stimpy puis du cartoon psychédélique, puis mais c'est un amalgame de trucs qui fit pas ensemble, puis à l'époque que c'était encore du jamais vu de voir ça. Ouais. Tu sais, il y a un épisode de Il y a un épisode de Kaiju avec des robots géants qui un genre de Voltron qui se plug plein de robots ensemble pour faire un gros robot. Puis je trouve que Liquid TV aurait tellement eu le genre d'animation avec le style. Tu sais, réécoute des trailers de Mad Max puis Influx, puis Fayette un Scud, puis t'es comme « Ah, c'est exactement ça, ouais, man. » Tu sais, avec du surf rock ou je sais pas quel genre de musique, là, tu sais, comme... Comment? Du bluegrass. Ouais, ben, du bluegrass aussi, ben oui, mais hein. Ouais, c'était de son temps en même temps que ça poussait les conventions. Hein. Ouais, bref. Fait que moi, ce que j'ai, c'est la... Parce qu'au début, c'était self-published une compagnie qui s'appelait Fireman Press, qui n'existe plus. Je pense que c'était la compagnie de Rob Schraub et ses amis. Puis quand il a pris le break de 10 ans, puis qu'il a continué après, ça a été réédité en un gros book que j'adore le nom, ça s'appelle The Whole Shebang. Puis The Whole Shebang, c'est édité chez Image Comics. Fait que même dans le temps, même jusqu'à la pause de 10 ans, ça a toujours été édité par eux-mêmes, ça n'a pas été chez Image avant? Non, c'est ça. Ben, peut-être qu'une transition, parce que sur le cover, il marque Beginning, Middle and End. Mm-hmm. Fait que j'ai l'impression qu'il y a eu trois phases. Ouais. Moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment suivi la première. Il a peut-être essayé de revenir un moment donné avec Image, puis finalement, ah, ça marche pas, je fais de la TV, je suis trop occupé. Ouais. Puis à la fin, je me rappelle vraiment, quand il a starté son channel YouTube, il était comme, j'ai, mettons, 7 numéros à faire en tant de temps, ça veut dire que j'ai genre 2 pages à faire par jour, puis checkez-moi bien dans lui. Puis en préface, il y a un super beau mot de sa blonde, que je sais pas si c'est dans l'industrie ou non, mais tu sais, comme, elle explique qu'elle l'a rencontré, tu sais, comme pendant qu'il faisait de la télé, puis là lui il arrêtait pas de parler de sa BD, puis elle l'a comme full encouragé à revenir à ça, puis elle s'attendait pas qu'il soit aussi dédié, puis aussi genre parce que même sur le channel YouTube, tu sais, tu le vois, il mange en encrant ses pages, puis il se couche tard, puis quand il se lève, pendant qu'il fait son café, il commence à parler à la caméra, puis il commence à dessiner, là. C'est ça, je pense qu'il faisait comme 2 heures d'ancrage ou de BD, puis après ça, il faisait sa journée complète de show télé, puis après ça, il revenait, il faisait un autre 2 heures, il se couchait, puis il continuait. Tu sais, c'est un gars, genre, tu sais, vraiment déterminé as fuck, qui, c'est vraiment impressionnant, tu sais, c'est inspirant, là, pour des créateurs comme moi, genre, qui check ça, fait comme... Man, le pouvoir de la détermination, là, quand tu l'as, là, tu sais, on procrastine tout, puis on attend tout le deadline avant de se booster, mais quand tu donnes un objectif, puis tu fais comme « fuck it, man, j'écoute la trame sonore de Rocky, puis j'y vais, là. » Tout ça, parce que ça lui appartenait, là, c'était son projet. Mais c'est ça, c'est qu'il l'a terminé pour lui avant tout, là. Exact. C'est pas une commande. Je pense qu'il se disait... Si j'y vais à mon rythme slow, tu sais, je vais faire ça tout le reste de ma vie. Je veux finir ce fucking chapitre-là pour passer à d'autres choses, tu sais. Puis il l'a fait. Puis il l'a fait, man. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça super inspirant. Ouais. Bravo, Rob. Puis merci. Pour la... Merci, Rob. Puis merci. Puis pour l'avoir entendu quelques fois en à Harmontown, le podcast qu'il faisait avec Dan Harmon, il est fucking drôle. Il a de l'air super sweet. Je l'ai vu en convention, man. Tu sais, c'est le genre de gars que... Il y a du monde qui porte des piles de Scud, puis il est comme... Wait a minute, I think you need a hug. Puis là, il s'en va de l'autre bord de la table, puis il sert... Tu sais, il est excentrique, mais plein d'amour, plein de passion. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, c'est le genre de gars que j'admire, puis... laissez-vous pas... Parce que je n'ai souvent parlé avec Benoît Mercier, des Mystérieux, puis lui, à chaque fois, il était comme « Ouais, mais c'est très 90s, hein, tu sais. C'est très 90s, code. » Puis j'aimerais ça dire aux gens qui sont comme « Ah, pas sûr. » C'est moi, je trouve que ça non seulement ça vieillit très bien, mais ça ressemble pas à un cliché. Oui, tu vas reconnaître des références, mais ça ressemble pas à de la BD qui se faisait à cette époque-là. Attendez-vous pas à voir du Rob Liefeld ou du des scènes d'action, des grosses splash pages avec zéro dialogue, puis c'est juste des gars avec des muscles. C'est vraiment... C'est comme avant les clichés, puis même au-delà. Là. Oui, c'est ça. Moi, je comprends si quelqu'un dit « Ah, c'est très années 90 » parce que... Ouais, c'était de son temps, quand même. C'est de son temps, mais laissez-vous pas décourager par ça. Comme allez l'acheter quand même, puis... Si vous voyez une couple d'images sur Internet, là, commandez-vous-la, puis vous allez pas être déçu. Est-ce que tu connais Invader Zim? Oui. De Velasquez. Juan Velasquez. Oui. Trouves-tu que ça ressemble? Non. Pas du tout. Mais ce qui est drôle, c'est que je peux comprendre la comparaison, parce que c'est de la BD cartoony pour adultes. Mm-hmm. Parce que Scott... juste au premier regard, là, sans lire, parce que je l'avais montré à Julien Paris-Sorel, justement, puis il dit « Ah, c'est le gars d'Invader Zim », puis non, c'était bien avant. Fait que lui, c'était comme ça, sa première référence en le voyant. Là. Ouais, ben je peux voir le lien. Parce que c'est de la BD noir et blanc, indépendante, les années 90, très wacky, mais qui est pour adultes. C'est ça qu'on a peut-être pas mentionné, c'est que Scud... Même si c'est très cartoony, moi je ferais ça, je ferais lire ça à mon enfant sans problème, mais c'est pas destiné aux enfants. C'est destiné aux adultes, il y a full de références cinématographiques, c'est très violent, il y a des du monde qui se font décapiter à Chainsaw sans arrêt. Fait qu'il y a peut-être un autre lien avec Invader Zim à ce niveau-là, là, tu sais, que c'est comme cartoony, mais pour adultes. Je peux voir le lien, mais juste visuellement. Ouais. Toi, tu trouves-tu? Je connaissais pas assez Invader Zim, là. Je pense que c'était peut-être le trait plus carré ou plus malléable. Là. Ouais, je peux le voir, je peux comprendre. C'était la mention de Julien, notre fan numéro 5. Deuxième fois qu'il est mentionné aujourd'hui. Oui. Ce soir, ben oui. La première fois était meilleure. La première fois, c'était plus savoureux. En tout cas, moi, j'ai eu un très bon moment en lisant, en relisant la série complète de Scud, même si c'était un peu rapide comme lecture que je voulais te le rendre en main propre. Mais oui, je pense que je vais vouloir le relire dans quelques années pour revivre cette aventure-là. Puis tu vois, je savais même pas que Jeff, la créature immonde... parler uniquement en citation, j'avais pas catché ça. Qu'est-ce que t'as pensé du personnage là? Je veux pas me tromper, mais je pense que c'est Susudio ou un enfant de même. C'est qui donc lui? C'est la fille. Donc la tueur à gages qui devient un peu la blonde de Scott. Ok, oui. Moi, honnêtement, c'est à partir de là, puis je me rappelle quand on les lisait en single, j'étais comme, on avait quand manqué une couple de numéros, puis à partir de là, j'étais comme, on dirait que ça change de ton un peu. Parce que tu as un cancer de 10 ans, tu penses? Je pense non, avait... c'est avant, ça s'est fait avant. C'est peut-être de middle ou je sais pas trop, là, c'est mais. Je pense qu'il y a juste eu 4 numéros qui devaient terminer après le temps d'arrêt, là. Ouais, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une autre période avant, j'ai l'impression qu'il a fait un gros bout, puis il y a eu deux autres périodes, je pense que c'est ça son nom, Susudio, mais c'est comme un peu étrange parce que c'est le love interest pour un personnage qui est complètement asexué, là, tu sais, il présente aucun caractère sexuel, Scud, là. Il parle de lui au masculin, mais c'est à peu près la seule raison, parce que c'est un robot, tu sais, il est pas... C'est une plaque de métal. Exact, tu sais, puis il est pas viril, ou il est pas macho, il est pas... Puis là, c'est ça, c'est un personnage qui introduit ce qui est une humaine, qui trippe sur les robots, elle dit qu'elle est robophile. Oui. Puis le pire, c'est que le personnage est super bien écrit, mais le problème pour moi est plus au niveau de Tu sais, puis je comprends pourquoi ils l'ont mis, parce qu'à un moment donné, tu sais, à force d'improviser puis de le mettre dans telle situation, faut que ça te prend des personnages pour ancrer là ton récit. Mais honnêtement, c'est le seul perso que je trouve weird, parce que c'est comme une sexy chick qui trippe sur Scud, mais elle est full intelligente, elle est full bien écrite, elle est full indépendante, c'est full un personnage féminin fort, mais son rôle, c'est d'être la sexy chicks, fait. Ouais, puis à la fin, vu qu'elle est humaine, ben elle est plus vulnérable, puis ça devient comme la princesse à sauver, là. Même si sont comme beaucoup en dehors de ces conventions-là, mais ça demeure ça au final, là. C'est ça qui est plate, parce que tu sens vraiment que c'est des gens intelligents qui ont écrit ça, qui sont extrêmement ouverts. Mais ça, malheureusement, ce trope-là, ils l'ont quand même intégré dans la finale. Puis j'étais comme... Ah! Ça aurait été le fun que ça l'aille ailleurs. Que puis le pire, c'est que, tu sais, je le répète, là, mais tu sais, les écrivains sont intelligents. Fait que, tu sais, ça arrive souvent que c'est Scud qui est dans la marde, puis c'est elle qui le sauve. Mm-hmm. Ça arrive souvent que lui a de la cave, puis c'est elle qui réplique de quoi, genre, pour y sauver à la face ou whatever, mais... Ça reste quand même le sexy chicks dans le contexte qui a pas vraiment rapport, là, tu sais. Ouais. Je sais pas. C'est peut-être mon seul petit bémol, parce que tout le reste de la série, je trouve, c'est incroyable. Puis, je sais pas si t'as remarqué ou si t'as remarqué ça quand tu lis une BD, mais tu sais, juste le lettering, tu sais, tout fait à la main, puis il y a full de... c'est super expressif, là, genre chaque mot est genre dessiné, là, t'sais. Fait que juste ça et tout, pour quelqu'un qui porte attention à ça, c'est super cool. C'est rare que les BD vont aussi loin que ça, t'sais. Puis dans le début, milieu années 90, je pense qu'il y avait du lettrage qui se faisait à l'ordi, que c'était pas à la main. Non, mais c'est que c'est pas le dessinateur qui le faisait, fait que c'était un lettreur. Puis souvent Il se donne plus que ce qu'il pourrait faire pour faire la job, là. Ben, c'est pas vraiment ça, c'est que c'est juste la logistique. C'est que si, mettons, t'avais à écrire un onomatopée d'explosion, ben, tu voulais pas cacher le dessin, tu sais. Ouais. Fait que tu le mettais dans un coin ou dans un, tu sais, une place qui fit. Tandis que quand c'est le dessinateur qui le fait, il peut l'intégrer au dessin lui-même. Fait que, tu sais, ça arrive souvent que quelqu'un crie, mais le lettrage va faire partie de la case, va faire partie du dessin. Puis, tu sais, comme ça, c'est assez rare pour cette époque-là. Il n'y a pas grand monde qui faisait ça comme Rob Schraub. Puis, ça lui donne une identité. De guider puis de rythmer l'image, là. Ouais, exact. Puis, c'est pas juste comme, tu sais, un lettreur, mettons... un style de lettre pour des explosions, un style de lettre pour les paroles, un style de lettre pour une voix de démon. Là, ici, ça joue constamment avec ça. T'sais. C'est comme... Il y a un personnage qui va peut-être avoir trois styles de lettrage dans une bulle juste à cause de ses accents. Il va dire quelque chose du genre... It's wild, man, wild! Mais le wild, le deuxième wild est écrit super gros. Pis il shake, là, il dépasse la bulle, tu sais. Ça transcende la ponctuation traditionnelle, là. Exact. Puis, faut dire aussi, on l'a oublié, mais c'est brillant, ça. Le personnage du drywall ne parle pas. Ben, en fait, c'est qu'il parle, mais. Ben, il y a aussi une fermeture éclair pour la bouche, je pense. Mais c'est ça, c'est qu'il parle, mais en symboles et en petites lignes qui veulent absolument rien dire, mais on l'entend dans notre tête comme des clac, clac, clac, clac, clac, clac. Puis juste ça, tu sais, comme c'est une des nombreuses idées qui sort. Il y a deux personnages que quand ils parlent, tout est sous-titré dans le bas de la case. Tu sais, genre, j'ai jamais vu ça ailleurs, là. C'est vraiment, c'est des... Bref. Si vous cherchez des idées originales, puis ça vous tente de voir une BD qui sort, genre de... Peu importe ce que vous avez lu, vous êtes comme, ah non, moi, man, j'ai lu de la BD fucking originale avant, j'ai lu du... Qu'est-ce que tu vas dire? Fred! Tu sais, j'ai eu un blanc, mais tu sais, comment que c'est? Philémon, tu sais. Ouais, ouais, c'est Fred. Ouais. Fait que si vous êtes à la recherche de la nouvelle affaire hot, Ben, ça, c'est la Ferrot du passé que vous connaissez pas. Exactement. Fait que, je sais pas, t'as-tu de quoi rajouter sur Scud, sur le art ou sur le feeling, l'émotion que t'as eue en lisant? J'ai juste passé un très bon moment. Ouais. Puis que je pense qu'il y a encore du stock qui m'a échappé, puis je pense que ça mérite plusieurs relectures. Puis, ouais, c'est une grande œuvre. Est-ce qu'il y a eu des moments que... Parce que clairement, genre, tu sais, comme il joue avec ça, là, tu sais, le côté genre mélodramatique, mais qui se prend pas au sérieux, mais qu'en même temps, il le raconte sérieusement. C'était-tu arrivé, genre, de libre, fait que, oh shit, tu sais, comme là, c'est intense, ou tu ou tout le long, t'avais comme une distance, genre, ah, c'est wacky, fait que c'est drôle. Non, non, plusieurs fois, mais. Je pense que tu dis que, comme. Dans d'autres séries ou dans d'autres fictions que le personnage principal se met en trouble, mais tu sais qu'il y a comme 8 autres aventures ou que t'es à moitié du livre, ben, il va se passer de quoi pour qu'il revienne, mais c'est ça l'intérêt, c'est ça de voir comment qu'il va se prendre. Qu'est-ce que t'as pensé de Benjamin Franklin? C'est un personnage très important dans la BD, quand même. C'est vrai, c'est même pas une joke, il est très important. Je pense que c'est la seule figure comme historique qui est là-dedans, mais ouais. Je m'attendais pas à ça, mais c'est le fun qui est en fait un super vilain inventeur qui est un prêtre voodoo. Ouais, il est un peu partout, là. Mais qui est aussi un inventeur, un ingénieur, fait qu'il réussit à ressusciter des zombies, ben des dinosaures, puis les zombifier, mais leur mettre un ordinateur dans la tête pour qu'ils puissent les contrôler, tu sais, c'est l'affaire la plus hot au monde, là. Et, tu sais, mettons, parce que, tu sais, je sais qu'il y a eu beaucoup de BD du style un peu wacky, genre, y en a une qui s'appelle, je suis pas sûr si c'est le titre, mais genre Police Fireman, que... T'sais, l'idée, dans le fond, c'est un cartooniste, pis c'était genre son neveu de 8 ans qui écrivait des histoires, pis lui, il faisait juste comme dessiner ça, là. Fait qu'il était comme... Ça, c'est Axe Cop. Axe Cop, oui, c'est ça. Police Fireman, j'étais dans le champ, mais Axe Cop. Pis t'sais, j'adore Axe Cop, j'adore le concept, mais t'sais, tu commences à le lire, pis là, un moment donné, tu catches que, ok, ben, ça va être juste la nouvelle passe weird, pis t'sais, tu le lis un peu pour ça. Scott, il y a des arcs narratifs, là. On parle de début, milieu, fin et de personnages qui vivent des choses. C'est pas juste genre, please pas ça. Tu sais, c'est, il y a des gens qui vont être présentés d'une manière ultra dramatique, puis tu sais pas c'est qui, puis c'est mystérieux, puis que finalement, comme je pense juste au maudit bras de loup-garou, tu sais, on a le temps d'oublier que ce qu'a de ça, puis là finalement, on rencontre un dude qui a un bras de Scud, pis là, t'es comme, what? Pis t'sais, c'est un gros reveal qui prend du temps, pis qu'on établit full lentement. Pis c'est ça aussi qui fait partie du génie de la BD, c'est que c'est pas juste, hey, shit, t'sais, je pitch toute la shit que j'ai dans ma tête, pis ça va être drôle. Non, c'est des storytellers. Ça se tiendrait pas, là. Exact, pis c'est un peu ça la force de Dan Harmon aussi, t'sais, je pense à Rick et Morty, t'sais. Il y a une raison pourquoi chaque épisode est brillant, c'est des bons storytellers à la base. Oui, oui. Il y a un épisode de Community qui m'a vraiment marqué, que on le rappelle, c'est juste comme 22 minutes pratiquement. Puis l'épisode, c'est que t'as comme les 6-7 personnages, puis ça sonne à la porte, puis il y en a un qui doit aller chercher la pizza. Fait que il tire les dés, puis là, t'as comme 6 réinterprétations d'univers parallèle ou de qu'est-ce qui arriverait si c'est tel ou tel ou tel personnage, puis tout ça en 20 minutes, puis c'est super bien maîtrisé. C'est quoi de... Comment que ça finit? C'est genre The Darkest Parallel Universe, ou un enfant de même, là? The Darkest Version, brillant, c'est fucking brillant, cet épisode-là. Fait que tu vois, tu sais, c'est ça. Si vous aimez Community, je pense qu'il y a des racines qui sont palpables là, dans ce code-là. Ouais. Puis moi, je suis fier de Dan Harmon parce que quand il a fait Community, tu sais, il y a eu un genre de scandale avec les acteurs, puis là, il s'est fait kicker dehors de son propre show, puis là, finalement, il est revenu, puis il a passé à, je pense, Mark Maron, ou, tu sais, un gros intervieweur super connu. Puis quand ils ont demandé comment il a starté dans l'industrie, il a fait honneur à ses racines. Puis il a fait « Ah, j'ai commencé à en écrire un comic book avec mon meilleur chum, là, ça s'appelait Scud. » Wow. Puis j'étais comme « Nice! » Il aurait tellement pu passer à travers, puis faire comme « Ouais, Summer Silverman Project » ou genre « Mon site web, qu'on fasse des courts-métrages. » Non, il a starté à Scud, puis j'étais comme « Tu qui es hot! » Dan Harmon a de l'air vraiment cool. Là. Mais je suis sûr qu'il est encore satisfait puis fier de ce projet-là, là. Scud. Oui, oui, oui. Ben, je pense que les deux ont de quoi être fiers. Je veux dire, juste de tenir cette brique-là, je l'ai prêtée à ma blonde tantôt quand elle m'a demandé de quoi on allait parler à la cave. Puis elle a fait le saut, comment c'était lourd. Là, t'sais, puis, t'sais, chaque. T'sais, cette brique-là est remplie de plein de singles qui sont des histoires uniques, avec des idées uniques. Genre, t'sais, comme il y a souvent genre, au moins une idée originale par deux pages. T'sais, une idée que t'as jamais vue ailleurs. Là. Au moins une par deux pages. Fait que t'sais, t'as une énorme brique super lourde de même. C'est un accomplishment de... C'est ça. C'est très impressionnant. Là. Puis là, on n'a même pas parlé du sol. Tu te rappelles-tu du sol? Non. OK. Sol, c'est le Dark Scud. Ah oui, qui arrive vraiment plus tard puis qui est comme l'upgrade, la version upgradée de Scud. Qui est plus puissant puis qui se retrouve dans une machine distributrice aussi. Exactement. Qui est pas créé par Ben Franklin, justement? Oui, je pense que oui, mais ça c'est quand... Ben Franklin a plusieurs étapes, là. Il commence comme Ben Franklin, devient prêtre voodoo, puis à la fin, il est genre viking de l'espace futur, là, on sait plus trop, là, c'est... Mais encore voodoo, ben tu sais comme... Encore hargneux, là. Ah, il est méchant, méchant, méchant, là. Mais c'est ça, tu sais, tu vas avoir un moment, il y a un moment avec Ben Franklin qui me fait capoter, c'est quand que... Tu sais, genre, tu viens de voir plein d'affaires wacky, super débiles, des explosions, tout. Puis là, ça coupe, puis tu vois juste comme un champ qui pleut. Puis là, t'as refait cette case-là, mais... Avec un éclair... Puis là, juste en silhouette, tu vois genre un drapeau se lever. Puis là, la caméra, tu sais, la prochaine case, c'est comme une main qui tient le drapeau. Puis c'est lui qui dit genre, tu sais, commence à parler, commence son dialogue. Hein, comme, Today, I rode a kite. The day that changed my life. Puis il sort vire, puis c'est Benjamin Franklin. Puis que tabarnak! Il est encore là. C'est ça, c'est son return, c'est son, tu sais, c'est même pas la première fois qu'on le voit, c'est que, ah, il est revenu! Mais tu sais, c'est tellement dramatique. Puis même, je pense que, tu sais, il y a une logique aussi de l'avoir mis des designers de jeux vidéo qui aient voulu, comme, s'intéresser à ça, parce que il y a vraiment aussi des plans qui sont comme 2D, puis tu vois le parcours qu'il fait, puis tu sais, tu peux facilement t'imaginer ce personnage-là, comment il bouge, comment il tire des guns, comment il fait des backflips. Oui. Fait que... C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Scud Doom? On a fait le tour. Est-ce que tu recommandes? Je recommande fortement. Je donne 9 caves sur 10. Non, c'est quoi qu'on a dans la cave? 9 canettes vides, 9... 9 boîtes de Kleenex vides sur 10. Qu'est-ce qu'il y avait dans la cave qu'on pourrait déterminer comme des étoiles de 1 à 10? Oui. 9 posters de... 9 perce-oreilles sur 10. OK, 9 perce-oreilles sur 10. Non, mais sérieusement, genre, c'est je le classe très haut, là. Puis toi, ça fait longtemps que tu l'avais pas lu avant que je t'avais proposé de le ressortir pour ça. Ouais, ça faisait une couple d'années, mais c'est ça, comme je te disais, la première partie, là, tu sais, juste en le feuilletant tantôt, je m'arrêtais sur, tu sais, quelques places, j'étais comme, OK, non, je me rappelle de tout ça. C'est plus la deuxième partie qu'on a moins parlé dans le show aussi, là, mais Celle-là, j'avoue qu'il faudrait que je leur lise. Tu sais, il y a des personnages que je te comme, ok, ça, je sais pas c'est qui, là. Tu sais, ça va loin, puis c'est que c'est tellement, hétéroclite, là, tu sais. Oui. Que des fois, c'est ça. Tu sais, je pense en, faudrait que je leur lise. Faudrait que je leur lise la deuxième partie. C'est ça, puis je pense que ce serait bien de lire, à un rythme raisonnable, de se donner les exact. Pauses. J'aime toujours ça, faire la cave avec toi. Puis ce qui est fun, c'est que je m'étais dit que je serais pas chaud à la fin de l'épisode comme la semaine passée. Puis non, finalement, j'étais encore un peu tipsy. Fait que j'imagine que ça paraît un peu dans ma voix, mais c'est pas grave. Ça va. Pour moi, c'est un moment avec toi, fait que c'est ça qui est important. Puis c'est la première fois que je pleure d'un podcast en plus, fait que je suis content que ça soit arrivé avec toi, tu sais, puis pas genre un podcast que je t'ai invité, puis c'est même pas important, puis c'est juste que oh, on a parlé de tout ça, c'est venu me chercher. Je suis content d'avoir fait ça avec toi. Toi, as-tu des idées pour le futur? Le futur de la cave, évidemment. Ben oui, on a encore une grosse pile de sujets infinis, mais on va regarder ça. Si vous êtes au rendez-vous, on va l'être. Parce que c'est quoi notre thème? Parce que Laurent m'a demandé ça, il est comme, là, c'est-tu des affaires, genre, du passé? Puis là, j'étais comme, ben, d'où m'a parlé de Last of Us? Puis là, on a parlé de Scud. Ouais, tu sais, je catch que Scud, c'est né dans les années 90, mais tu sais, on n'est pas nécessairement limité à ça non plus. Mmh. Ça pourrait être quelque chose de moderne, mais qui touche nos sensibilités, genre. Fait que là, je savais pas quoi y dire. Je sais pas c'est quoi le thème. Je sais que c'est des choses du passé pour faire regard devant l'avenir, mais... Ouais, c'est ça qu'on avait dit, mais c'est on s'en crie, c'est des choses qu'on aime, qu'on parle, là, des jeux, des BD, des films, des séries, des animés, des mangas. On a fait un épisode sur New Metal aussi, faut se rappeler de ça. Oui. L'épisode caché. Ah oui, il est caché, celui-là? Non. OK. C'est des invités secrets. Tu sais, sur WordPress, t'as mis les links en blanc sur fond blanc, fait qu'il faut le sélectionner pour cliquer dessus. Ouais. Okay. Non. Bon, mais moi, je prends... Oui? On va essayer de continuer la cadence mensuelle, même à distance. Let's wrap it up, my friend. Fait que merci. Merci, Rob Schraub. Là, c'est parce que j'écoute plein d'autres podcasts puis ils finissent tout le temps de même, mais genre, si, mettons, le monde veut te voir, tu veux-tu partager tes réseaux sociaux ou pas en tout? Non. Ah non, tu gardes ça privé, toi. Ben, moi, je veux les partager parce que, je sais pas, mettons que tu partages ça à ta cousine puis que là, elle fait écouter ça à son neveu puis son neveu, il est comme, il a vraiment de l'air cool, Jack Dion. Parce que, oui, ça m'arrive tout le temps. Ouais. Attends, t'as eu des nouvelles pour Alice? Ben oui, j'ai eu des nouvelles. Non, mais avez-vous une date? J'ai l'impression qu'on en avait parlé au dernier épisode, sinon je n'aurais parlé dans... Mais oui, en gros, il sort à la fin de l'été, donc il sort fin septembre, après ma fête, cet automne, en fait. Cool. Hey, j'ai hâte au lancement, là. Quel timing, mais tu sais, en même temps, latex. Mais t'sais, en même temps, je suis content, évidemment, là, t'sais, j'ai aucun regret, mais tu sais, c'est tellement tough pour t'sais, un auteur de BD, genre, tu travailles fucking 2 ans tout seul, puis genre, t'as pas de feedback, puis tu poses des petits extraits ici et là, mais t'as rien, puis... Là, c'est comme ton gros moment que tu veux partir sa brosse, tu veux serrer le monde dans tes bras, tu veux genre, tu sais, comme, yes, je le prends à l'amour, pis là, finalement, non, c'est, ben, tu sais, on va faire un lancement, mais dans quel contexte, tu sais, cet automne, on sait même pas dans quel monde on va vivre, là, parce que clairement, là, on a un break cet été, mais, si la tendance se maintient, cet automne, on repart en confinement pendant au moins une couple de mois, fait que bon. Mais quand si on a ton œuvre dans nos mains, on va être déjà bien. Ouais, ben c'est ça. Exact. Moi, j'ai juste hâte de pour l'instant de voir ce que le monde va en penser, puis tu sais, mais ça, on en reparlera parce qu'on a le temps là, avant cet automne de. Ben oui. De builder up. Fait que j'avoue que mon émotion est un peu décalée parce que je suis comme OK, j'ai hâte, mais ah, ça c'est weird là. Mais non, quand ça va être plus proche puis plus concret, puis que je vais avoir aidé à shipper les copies aussi pour le monde qui l'ont précommandé. Tu sais, quand je vais avoir tenu le livre dans mes mains, là je vais être énervé, puis je vais vouloir comme vraiment plus qu'on en jase. Mais d'ici là, c'est ça. Ben, c'est bien. Yes. Cool. T'as-tu un choix de toune pour la fin ou on fait une surprise puis on pense, je mets ça? Non, j'avais un choix de toune, en fait. C'est que je voulais de quoi qui me rappelait ce code, qui me rappelait l'énergie, mais je voulais pas mettre, parce que moi j'écoutais full punk rock californien pendant cette époque-là. Mais je voulais que ça soit genre pas trop vieux, que ce soit comme quand même relativement récent. Fait que j'ai choisi de mettre la toune de... Tu connais-tu Jeff Rosenstock? Non. Qui faisait partie de Bomb the Music Industry avant, puis c'est la chanson You and Me in Weird Cities. Fait que je t'enverrai un petit lien, mais... Oui. J'aime beaucoup cette tune-là, puis l'énergie, elle me rappelle le punk rock, puis elle me rappelle Scott, puis elle me rappelle le fun, puis même quand c'est triste, faut se pitcher dans le vide, puis il faut crier Hallelujah. Fait que voilà. Hallelujah. Hallelujah!